écoutez France Culture La Nuit avec, enregistré pour le théâtre où l'on s'amuse en 1955, Domino de Marcel Achard. Domino est une comédie en trois actes qui a tout de suite connu un très grand succès. Le génie de Marcel Achard dans cette pièce, c'était d'avoir mis en présence l'éternel type humain de l'homme marginal, bohème, sans ancrage social, et une jeune femme bourgeoise mais malheureuse. La pièce était très bien menée autour de son intrigue, une petite annonce, et l'inconnu arrive, qui va jouer le rôle qu'il faut, mais pas celui qu'on lui demande. Il va enlever une femme sous les yeux du mari qui la victimise de sa jalousie rétrospective. Il va aussi la venger de la médiocrité de son ex-amant. L'inconnu, le marginal, se retrouve donc du côté de la vérité intime du cœur d'une femme, parce qu'il vient d'ailleurs. Il est un peu comme les femmes, moins soumis que le commun des hommes aux normes sociales. Le théâtre où l'on s'amuse, une production et réalisation de Jean Chouquet et Philippe Soupeau. Mesdames, messieurs, le théâtre où l'on s'amuse a le plaisir de vous présenter Domino, comédie en trois actes de Marcel Achard, qui fut créée en février 1932 à la Comédie des Champs-Élysées par Louis Jouvet, Pierre Renoir et Valentine Tessier. Ce soir, le théâtre où l'on s'amuse, qui a pu confier le rôle de Domino, créé par Louis Jouvet, à François Perrier, reconstitue ainsi l'équipe Marcel Achard-François Perrier, qui obtient actuellement un grand succès au Théâtre de la Michaudière avec Le Mal d'amour. Voici les personnages et les interprètes du premier acte de Domino. Laurette, Simone Ronan. Christiane, l'amie de Laurette, Paul Emmanuel. Fernande, la femme de chambre de Christiane, Micheline Gary, Mirandole, Guy Pierrot, et Domino, François Perrier. Chez Christiane, l'ami de Laurette. Je peux sonner? Mais tu es chez toi, ici. Oh, c'est bête, Cricri, mais maintenant je suis un peu effrayée de ce que j'ai fait. Pourquoi? Tu n'as pas l'impression que c'est insensé, toi? Si j'avais cette impression, je ne te prêterais pas mon appartement. Oui, c'est juste. Oh, et puis maintenant, en tout cas, il est trop tard. Oui, alors je sonne. Mais oui. Fernande est une fille très intelligente. Elle a très bien compris ce que tu lui demandais. À quelle heure as-tu fixé le rendez-vous? Entre 5 et 6 heures. Parfait. Dis-moi, tu es sûre que ton mari ne rentrera pas avant 7 heures? Oh, certaine. Parce que tout ceci pourrait l'étonner désagréablement, tu ne crois pas? Évidemment. Mieux vaudrait avoir fini avant son arrivée. Madame a sonné. Oui, je sors. Vous allez vous mettre à la disposition de Madame Heller. Oui, madame. Vous avez bien compris ce qu'elle vous a demandé? Parfaitement bien, madame. Oh. Tu n'as plus rien à lui dire? Plus rien à lui dire, mais bien sûr que si. Fernande, je vais attendre dans la chambre jaune. Dès qu'ils seront là, vous me préviendrez. Bien, madame. Les trois premiers, vous les ferez entrer ici. Donc, vous pourrez même en faire entrer 4. Bon. S'il y en a une dizaine, vous mettrez les autres dans la pièce à côté. Bien, madame. S'il y en a plus de 10. Oh, tu crois qu'il y en aura plus de 10? Je ne sais pas. Il faut tout prévoir. Oh, ce serait très embêtant à cause de la concierge. Elle va déjà trouver ça bizarre. Mais s'il y en a plus de 10, je me demande ce que je pourrais lui raconter. Oh, il n'y en aura pas plus de 10. Pourtant, dans ce cas-là, vous ouvririez le grand salon. 4 ici, jusqu'à 10 la pièce à côté, plus de 10 le grand salon, c'est bien ça? Oui. Ah, naturellement, vous fermerez à clé toutes les vitrines. Soyez tranquille. Vous enlèverez tous les bibelots. Naturellement. Et vous remplacerez les cendriers par ceux des galeries modernes. Ah, madame croit qu'ils vont fumer. Ah, j'espère qu'ils n'oseront pas. Non, à ta place, Christiane, je ne laisserai pas ce petit Cézanne. Il est trop facile à emporter. Oh non, vraiment, je crois que tu exagères. Non, ils ne sont pas si terribles. Oh, bien sûr, celui que je choisirai ne sera pas comme ça. Mais les autres... Ah, je t'ai promis de ne plus te questionner, mais... Vraiment, je me demande comment tu as pu accepter une corvée pareille. Non, si tu l'avais vu, tu comprendrais. Il sanglotait, il disait que tout était perdu. Il m'a fait pitié. Mais pourquoi ne les reçoit-il pas, lui? Où et comment? Tu sais bien qu'il est surveillé, qu'il ne peut pas faire un geste. Moi-même, je me demande comment j'aurais pu si tu n'avais pas eu la gentillesse de me prêter ton appartement. Je souhaite que tout cela ne tourne pas mal pour l'un ou pour l'autre. Pour toi, surtout. Car je t'assure que lui ne m'intéresse pas. Non, tu ne peux pas comprendre, bien sûr. Toi, tu n'aurais jamais accepté. Parce que les choses finies pour toi sont bien finies. Tandis que moi... Moi, je ne suis pas encore consolée d'avoir vu finir ce... Enfin... Ça. Et finir si mal. Oui, si mal. Pardon, et les livres? Qu'est-ce que je fais des livres? Oh, vous pouvez les laisser, ils ne les prendront pas. Des classiques, tu penses? Moi-même, je ne les ai jamais ouverts. Est-ce que je dois rester avec eux? Bah, oui, oui, peut-être. Ce serait préférable. Rester tant qu'il n'y en aura qu'un. Dès qu'ils seront deux, ils se surveilleront. Ah, parce que Madame Hélène ne descendra pas immédiatement. Non, non, je ne veux pas avoir l'air trop pressée. Je ne voudrais pas perdre trop de temps. Il y en aura certainement à décourager tout de suite. Alors, sur l'ensemble, je jugerai mieux. Bien, madame. Tu n'as plus besoin de moi? Non, ma chérie. Alors, bonne chance, chérie. À tout à l'heure. Madame n'a rien à me dire? Non, Fernande. Madame paraît bien agitée. Mais je croyais vous avoir donné 2000 francs. Parfaitement, madame. Ah, tant mieux. À votre façon de parler, je croyais vous avoir oublié. Pardon, madame. Oh, mon sac. Mon sac, 30 000 francs dedans et je l'avais oublié sur la chaise. Enfin, je l'ai échappé belle, hein. Crois-tu? À ce soir. Oui, à ce soir. Je ne descendrai pas avant un quart d'heure. D'ici là, pas un mot. Madame peut être tranquille. Ils vous questionneront certainement. Répondez que vous ne savez rien. D'ailleurs, c'est vrai. Je ne sais rien. J'aimerais beaucoup aussi que vous ne prononciez pas mon nom. Bien, madame. On a sonné. Je vais ouvrir. Asseyez-vous. Madame va venir tout de suite. Ah, parce que c'est une dame. Oui. J'aime pas ça. Est-ce qu'elle est jolie? Très jolie. J'aime pas ça. Pourquoi? Ouais, vous savez, les affaires avec les dames jolies, c'est pas des affaires. D'abord, c'est très compliqué, et puis elle ne paye pas. Comment elle ne paye pas? C'est-à-dire, elle vous donne, comment dire, des sourires. Mais pour vous parler franchement, c'est pas absolument de sourire que j'ai besoin. Allô? Ah. Et puis alors, j'aime bien être aimé pour moi-même, et pas pour les services que je rends. Oh, ben ici, vous n'aurez rien à craindre de pareil. Ah non? Non. Ici, si vous faites l'affaire, on vous paiera bien. Mais on vous demandera de garder les distances. Oh, mais dites, elle va pas me marcher sur la figure, non? Parce que j'aime pas ça non plus. Mais non. Mon grand-père le disait toujours, les affaires doivent être basées sur une estime et une confiance réciproque. Estime-moi, je t'estimerai. Naturellement. Laisse traîner ta montre sur la table et on n'ira pas la chercher dans ta poche. Bien entendu. Dites, est-ce que vous pourriez pas me donner des renseignements sur notre affaire? Non. Dites, cette dame que j'attends, elle est mariée? Oui. Jeune, jolie et mariée. Bon. Le mari est très vieux, naturellement. Bon, pas du tout. 35, 38. Ah. Fort? Comment fort? Bien portant, robuste. Oh, très robuste. Ah. Gentil? Bon, ça, je sais pas, il rit jamais. En tout cas, tout le monde a peur de lui. Ah, ouais. Et ça m'a l'air d'une affaire assez difficile. Si elle vous intéresse pas, vous pouvez vous en aller. Nous trouverons facilement quelqu'un d'autre. Ah oui? La récompense est très importante. Combien? Je sais pas exactement. Ah oui, à peu près, à votre avis. Peut-être 300 000 francs. 300 000 francs? Oh, j'en ferai des choses pour 300 000 francs. Moi aussi. Oui, mais heureusement, il ne s'agit pas de vous. Ce qui m'intrigue, c'est ce qu'elle va nous demander. Je sais pas. Pas du tout? Absolument pas. Ah, pourvu que je sache le faire. Quoi? Ce qu'elle va me demander. Qu'est-ce que vous savez faire? Presque tout. Vous savez l'anglais? Non. Non, mais avec des gestes, nous autres Marseillais, nous nous faisons toujours comprendre. Vous jouez du piano? Non plus. Mais dites, si c'était pour prendre des leçons, j'aurais pas besoin de donner 300 000 francs. C'est juste. Non, sérieusement, est-ce que vous croyez que je suis l'homme qu'il faut? Sérieusement, je ne sais pas. Comment me trouvez-vous? À quel point de vue? Oh, moralement, je crains personne. Oh, physiquement. Physiquement? Ouais, parce que si j'ai bien compris l'annonce, dans notre cas, le physique joue. Physiquement? Eh bien, écoutez, c'est assez difficile. Ah, c'est pas difficile de dire qu'on trouve bien quelqu'un. Justement. Vous me trouvez pas bien? Je vous trouve... intéressant. Oh, mais c'est très bon, ça! Oh, que c'est bon! Je sens que je vais faire l'affaire. Oh, je le souhaite. 300 000 francs. Et en somme, hein, rien ne prouve qu'on sera obligé d'avoir affaire au mari. Rien. Mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir me demander? Ça vous intéresse, hein? Ah oui. Je vais même vous dire quelque chose de bizarre. Ce qui m'embêtera le plus si je ne fais pas l'affaire, plus que de perdre tout cet argent, ce sera de ne jamais savoir pourquoi elle nous avait fait venir. Je vais ouvrir. Si c'est un concurrent, je te le dors, hein. Mais ça, je ne peux pas. Oh, dites la belle, je te le dors. Je dois recevoir tout le monde. Mais c'est pas gentil de lui faire perdre son temps. Asseyez-vous. Madame va venir tout de suite. Merci. Vous n'avez pas de questions à me poser? Non, merci. Vous n'êtes pas curieux? Je sais pas. Bon. Bon, alors je vous laisse. Si vous voulez. Vous savez que c'est une toute petite affaire. Je verrai bien. Et très difficile avec ça. Paraît qu'il y a un mari terrible. Ah. Oui, oui, oui. Je dis pas ça pour vous décourager. Non, bien entendu. Vous n'avez pas l'air d'un homme qui se décourage facilement. Et vous non plus? Non, non, moi non plus. Il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Oh non. Si. Attendez, j'y suis. L'autre soir, au bar du Clairon. Je reconnais votre costume. Ah, mon costume y était peut-être, mais pas moi. Ah, et il vous va bien d'ailleurs. Il m'ira bien que jusqu'à demain midi. Ah? Oui, je l'ai un peu loué. Chez La Traille? Justement. Et alors, c'est là que je l'ai vu. Ah. Oh, mais dites, si vous avez loué un costume, vous allez insister pour l'affaire? Vous avez le numéro 1, je n'insisterai qu'à mon tour. Ah, bon. Dites, vous n'avez pas peur que ce soit une mauvaise note pour vous de siffler? Merci. Et la cigarette? Non, jamais. Ah, quoi, tout de même, on peut fumer? Nous ne sommes pas chez le dentiste, non? Ben, prenez un cendrier, en tout cas. Hein? Oh, oh, oh. Comment une femme de goût peut-elle avoir de pareils cendriers? Hein, le fait est... Ils ont peut-être été mis là en notre honneur. C'est là. Oui. Et encore, pour moi, ce n'est rien parce que j'ai une grosse chance. Mais pour vous... Comment savez-vous que vous avez une grosse chance? La femme de chambre me l'a dit. Ah oui? J'aurais pourtant pas cru. D'après les livres qui sont là... Ah ben, elle me l'a dit. Ah, elle doit le savoir mieux que personne. Hein? Naturellement. Ben alors, je vais vous proposer quelque chose. Vous connaissez le petit café qui est tout de suite à gauche? À côté du cimetière. Je vais aller attendre là-bas, en face d'un bonheur à un citron. Si vous faites l'affaire en passant, vous me ferez simplement « Hello » et je comprendrai. Hello. Oui. Si par hasard, vous ne faisiez pas l'affaire... Elle est faite, je vous dis. Oui, mais si tout de même, par hasard, vous ne faisiez pas l'affaire, vous aurez la gentillesse de demander à cette dame « Est-ce que je fais un peu l'affaire ?» Est-ce que je fais presque l'affaire ou est-ce que je ne fais pas du tout l'affaire? Eh bien, si elle vous répond « pas du tout l'affaire », dites-le-moi, parce qu'alors j'aurai peut-être une petite chance. Ah. Hein? Alors un peu, presque ou pas du tout? D'accord. Merci. Vous ne venez pas pour l'annonce? Mais si. Ah, pardon. Ah, vous avez l'air étonné. Un peu, oui. Je vous demande pardon. C'est le physique, n'est-ce pas? Le physique n'est pas ce que vous espériez. Eh bien, l'annonce disait assez joli garçon, si possible. Vous ne me trouvez pas joli garçon? Je vous trouve intéressant. Votre femme de chambre aussi. Vous voyez, c'est très bon. Oui. Et encore, sans chapeau, je suis moins bien. Je ne suis pas chauve, non. Mais avec le chapeau, quelle différence! Ah. Malheureusement, dans votre société, on n'a presque jamais le chapeau sur la tête. Je ne voudrais pas être désagréable avec vous. Vous avez l'air d'un bon garçon, très sympathique. Mais pensez-vous être réellement très distingué? Distingué? Oui. Ah, il faut être aussi distingué. Oui. Mais c'est pas sur l'annonce. Non, c'est juste. Remarquez, je peux être distingué aussi, mais Alors, il aurait fallu le dire. Oui, excusez-moi. Non, d'ailleurs, vous avez demandé quelqu'un et il y a eu des malheurs. Alors, vous comprenez bien que dans les malheurs, la distinction... Non, c'est-à-dire que... Non, je vous demande pardon. Vous avez demandé quelqu'un et il y a eu des malheurs. Oui, mais pas depuis sa naissance. Oui, évidemment. Oh, je suis désolée. Alors... Non, n'est-ce pas, c'est une mission très difficile, très délicate. Oh, je ne sais pas d'ailleurs si je pourrais trouver quelqu'un. Non, mais en tout cas, moi, non. Non, vous n'êtes pas exactement l'homme qu'il faudrait. Oh. Sans vouloir vous vexer, il me semble que vous m'avez jugé un peu vite. Oh, d'ailleurs, ne vous plaignez pas trop, c'est assez dangereux. Enfin, ça peut être assez dangereux. Je ne l'ai pas dit pour ne pas trop décourager, mais il faudra beaucoup de courage. Moi alors, je suis votre homme. Vous êtes courageux? Moi? Mais vous me demandez si je suis courageux avec l'accent que j'ai. Et puis, il ne faut pas que du courage, il faut de l'adresse, de la diplomatie. Vous avez l'air trop franc. Moi? Vous savez bien qu'il n'y a pas plus menteur que les Marseillais. J'ai peur que vous ayez l'habitude de mensonges un peu simples. Bon, j'ai compris. Vous avez la gentillesse de chercher des raisons, mais au fond, depuis que vous m'avez vu, vous savez très bien que je suis impossible. Oh, je ne dis pas cela. Si. Alors, je vais simplement vous demander quelque chose. Est-ce que je fais un peu l'affaire, presque l'affaire, ou pas du tout l'affaire? Et pourquoi cette question? Je vais vous expliquer. Il y avait tout à l'heure dans le salon un bonhomme venu aussi pour la danse. Mais il n'aime pas attendre. Et puis, je crois que je l'avais un peu découragé. Je comprends. Et il est au petit café tout de suite à gauche. Je lui ai promis, si je réussissais pas, de vous demander si je faisais un peu, presque, ou pas du tout l'affaire. Parce qu'il paraît que si je fais pas du tout l'affaire, lui, il aura une petite chance. Vraiment? Alors, un peu, presque, ou pas du tout? Dis-tu tout de même de venir? Bah, j'ai compris. Je vais le chercher. Je ne voudrais pas vous avoir fait perdre tout à fait votre temps. Voulez-vous accepter ceci? Mais volontiers. Je me permettrai de vous envoyer quelques roses. Non, merci. Si, j'y tiens beaucoup. La femme de chambre va vous raccompagner. Non, ne dérangez personne, je connais le chemin. Et avec le chapeau, c'est pas suffisant. Mon Dieu. Non. Tant pis. Fernande! Enfin, voyons, Fernande, vous n'entendez pas? Ça fait trois fois que je vous sonne. Je ne pouvais pas venir, madame, je répondais au téléphone. Qui téléphonait? Le mari de madame. Ah, monsieur Dupin. Non, votre mari, madame, monsieur Heller. Mon mari? Oui, madame. Et que voulait-il? Il demandait si madame était là. Qu'avez-vous répondu? Qu'on ne vous avait pas vu, naturellement. Alors, il a demandé madame Dupin, j'ai dit que madame était sortie. Bon, et puis? Monsieur Heller m'a demandé si je savais si vous étiez ensemble. J'ai répondu que je ne savais pas. Alors, il a juré. Il avait l'air furieux. Oui, c'est tout. Madame m'appelait, je ne savais pas pourquoi faire. Je lui ai dit qu'on sonnait à la porte de service. Est-ce qu'il va venir? Oh, non, je ne crois pas. Il a dit qu'il retéléphonerait. Bon, c'est bien. Ah, il a demandé aussi si nous avions vu Monsieur Crémon ces jours-ci. Monsieur Crémon? Il a parlé de Monsieur Crémon? J'ai dit que non. J'ai bien fait? Oui, très bien. On a sonné. Allez ouvrir, faites entrer ici et laissez-nous. Bien, madame. Ah, si par hasard, monsieur Heller, venez, vous... Oui. Non, il ne viendra pas. Bien, madame. Alors, il ne fait pas du tout l'affaire? Non. Bravo. Vous avez lu l'annonce? Très attentivement, je la sais par cœur. Moi aussi. Vous pensez remplir les conditions requises? Oui. Vous vous trouvez jeune, par exemple? Ben oui. Quel âge? 28. Mais si c'est nécessaire, je peux m'arranger pour n'en avoir que 26. Non, 28, c'est bien. Vous vous trouvez joli garçon? L'annonce dit si possible. Avec un peu de travail, j'estime que ce serait peut-être possible. Ouais. Voulez-vous marcher, s'il vous plaît? Comment marcher? Ben, faites quelques pas. Marchez! Ah, comme ça? Donc, vous n'êtes pas sur les routes, marchez comme dans un salon. Ah oui, pardon. Oui. Vous marchez mal. Je marche mal? Oui. Mais est-ce que c'est une mauvaise note? Pas très important. Ah bon? Et puis en tout cas, je marche peut-être mal, mais je peux marcher longtemps. Ça, c'est inutile. Ah, tant pis. Vous paraissez être d'une bonne famille. Oh, est-ce que mon vieux père doit aussi entrer dans l'affaire? Parce que dans ce cas, je ferais mieux de renoncer. Ma question était maladroite. Mais pas inutile. Vous voulez savoir si j'ai eu ce que votre annonce appelle des malheurs? Justement, oui. Eh bien, j'ai eu des malheurs. Mais c'est une chance pour vous, je ne les ai pas eus à Paris. Comment? À l'étranger. Ça, c'est un pays. J'aime mieux vous prévenir tout de suite, ça n'est pas une bonne note pour vous que d'être très intelligent. Mon Dieu merci, je ne suis pas très intelligent. Que savez-vous faire? Presque tout. Presque tout? Oui, je ne fais rien, mais je sais presque tout faire. Ah oui? Moi, si j'utilisais mes connaissances, je serais milliardaire. Vraiment? Vraiment. Seulement, vous allez tout comprendre. En un mot, j'ai trop d'énergie pour travailler. Oui, et j'ai souvent regretté cette paresse. Mais pourquoi? Un homme comme vous ne doit pas avoir besoin d'argent. Si, l'argent permet de choisir ses ennemis. Et vous ne pouvez pas choisir les vôtres? Non. Comme vous venez d'avoir l'air méchant tout d'un coup. J'aurais peut-être été méchant si j'avais réussi, mais je ne voudrais pas qu'on me croie de la rancune. Bien, ça, très bien. Vous êtes très gentil de m'écouter, mais je ne suis pas ici pour vous expliquer mon âme. Vous m'avez demandé ce que je peux faire. Eh bien, je sais conduire un avion, laver mon linge, tricher aux cartes, fabriquer de l'alcool avec n'importe quoi, sauter d'un train en marche, guérir les morsures de serpents, conduire un cotillon et même faire travailler un nègre. Parfait. Ce ne sont là que quelque chose entre mille. J'ajoute que je parle l'arabe et l'américain. De mieux en mieux. Je suis aussi licencié en droit. C'est d'ailleurs ce qui m'a perdu. Vous connaissiez trop mal le code. Je le connaissais trop bien. Et alors? J'ai voulu en profiter. Vous n'êtes donc pas honnête? Après ce que je vous ai confié, vous me demandez si je suis honnête. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de document officiel qui prouve que vous n'êtes pas honnête. Non, rassurez-vous, j'ai eu des malheurs. Je n'ai pas eu d'ennui. Vous me faites un peu peur. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas que vous me faites peur? Non, je suis exactement l'homme qu'il vous faut, je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas beaucoup de scrupules, c'est ce que vous demandiez, n'est-ce pas? En outre, et c'est là le principal, j'adore les enfants. Pardon? Je dis, j'adore les enfants. Et alors? Je pensais qu'on avait peut-être besoin d'un père. Pour avoir l'âme aussi basse, j'espère que vous avez au moins l'excuse d'avoir été très malheureux. Pardon? Mais c'est ma faute aussi. Je vous ai laissé parler de vous, et vous n'avez pas pu voir que je ne ressemblais peut-être pas à mon annonce. Je m'en rends compte maintenant, elle était un peu ridicule cette annonce, n'est-ce pas? Et cynique, et romantique aussi. J'ai demandé des gens sans scrupules et n'ayant rien à perdre. Que pouvais-je espérer que ces gens-là penseraient de moi? Oh, ces gens-là! Je vous en veux d'avoir imaginé une chose laide. Mais dans votre esprit, pour quelle raison une femme comme moi peut-elle avoir besoin d'un homme comme vous? Ben oui! Si vous êtes allé tout de suite au plus méprisable, c'est peut-être aussi parce que c'était le plus facile. Oui, peut-être. La tâche, la mission, enfin, disons la besogne pour vous faciliter les choses. La besogne dont je veux vous charger est plus difficile. Il ne vous suffira pas de donner à un enfant un nom dont vous ne saviez plus que faire. Ah? Vous n'aurez peut-être pas seulement à me défendre, moi, mais à vous défendre aussi, vous. Tant mieux. Vous n'avez pas peur? Je vous autorise à me vexer, j'ai été trop bête tout à l'heure. Vous n'aurez pas peur? Non. Les gens sans scrupules ne sont pas souvent très courageux. Mais tant que je sois courageux à cause des quelques scrupules qui me restent. Même contre quelqu'un de puissant? Oui. Contre quelqu'un de très puissant? Rien égale tout. C'est vrai. Alors, je fais l'affaire? Attendez. Savez-vous porter le smoking? Oh, il est bien difficile de dîner autrement en Angleterre. C'est juste. J'ai même porté le smoking blanc. C'est très joli. Et en habit? Vous avez peur que j'ai l'air d'un maître d'hôtel? Non, mais je... Non, croyez-moi, personne ne me demandera jamais de lui passer un plat, même si avec mon habit, je mettais une cravate noire. Non. Non, personne, jamais. Êtes-vous décidé? Presque, oui. Vous allez me dire ce que je vais avoir à faire. Oui, mais pas tout de suite. Vous n'avez pas encore confiance? Si. Et je me félicite même de la chance qui m'a fait vous rencontrer. Vous avez raison. Vous n'imaginez pas ce qui aurait pu arriver si par hasard, tenez, si j'avais travaillé aujourd'hui. Quel est votre nom? François, naturellement. Bien entendu, mais votre nom tout entier? François Dominique. On m'appelle aussi Domino. Domino? Oui, en Afrique, on m'appelait même Double Blanc. Oh, ça ne veut pas dire grand-chose. Oh si, dans un pays où il y a surtout des nègres. Moi, je m'appelle Laurette. Laurette comment? Dans notre affaire, pour vous, je ne dois être qu'un prénom. Bien. Ne croyez pas surtout que j'ai peur de vous dire mon nom. Vous le saurez toujours un jour ou l'autre. Maintenant, je vous connais assez pour savoir que vous ne vous en serviriez pas. Merci. J'ai décidé de me confier à vous. Vous n'êtes pas homme à profiter de l'embarras d'une femme. Quoi? C'est un embarras seulement? J'ai dit mon embarras parce que je trouvais prétentieux de parler de ma détresse. Embarras ou détresse, vous pouvez compter sur moi. Merci. Mais ne vous engagez pas trop vite. Je suis prêt à tout. Ben, l'annonce prévenait que le travail était difficile. Et elle dit aussi heureusement qu'il est extrêmement bien rétribué. Écoutez, ne parlons pas de ça, voulez-vous. Si, il le faut. Non, je n'ai jamais su parler d'argent avec les femmes. Ce n'est pas moi qui vous paierai, rassurez-vous. Ah ben, j'aime mieux ça. Je suis heureuse de voir que cela vous aurait ennuyé d'être payé par moi. Horriblement, oui. Ça me confirme dans l'idée que je commençais à me faire de vous. Mais qui me paiera alors? Eh bien, mais l'homme à qui vous rendrez service. Je m'excuse, ça n'est pas vous qui avez besoin de moi? Si, moi aussi, mais lui plus que moi. Ah, enfin, je comprendrai peut-être tout à l'heure. Certainement. Je vous demande pardon. Ceci ne me regarde pas, d'ailleurs, et vous n'êtes pas obligé de me répondre. Enfin, il y a un homme dans l'affaire, et il vous a laissé vous débrouiller avec nous. Oui. Bon. Pardon. Je vous ai dit aussi qu'il y avait du danger. Ah oui, c'est vrai, le danger. Alors, quel danger? Ça, je ne sais pas exactement. Écoutez, c'est un peu ennuyeux. Oh, vous ne pensez tout de même pas que ce soit le danger, définitif? Ah non, ça je ne crois pas. Ah, tout de même. Non, si je pensais qu'il devait vous tuer, je ne vous aurais pas fait venir. Merci. Non, vraiment, je ne crois pas qu'il vous tuerait. Allons, tant mieux. Non, surtout vous, un étranger. Ah, il faut d'abord lui être présenté. Mais on ne peut pas prévoir ses réactions, elles seront terribles, il faut nous y attendre. Ah. Mais sa colère tombera dès qu'il verra qu'il ne vous connaît pas. Mais j'espère que je ne l'ai pas déjà rencontré par hasard. C'est peu probable. Mais alors, puisqu'il ne me tue pas, qu'est-ce que je risque? Je ne sais pas, moi. Des coups, peut-être. Des coups? Non, il va me planquer des coups. Ça, je ne sais pas. C'est possible. Ça n'est donc pas quelqu'un de votre monde? Si. Mais vous savez, dans la condition où il se trouve, les hommes de mon monde se conduisent comme des charretiers. Va pour les coups. Enfin, je pourrais les rendre. Ah non, justement, non. Oh, mais dis donc, alors il va falloir sérieusement m'augmenter. C'est dommage qu'on ne se batte plus en duel. C'était la solution à rêver. Ah oui, oui. Ah, maintenant, j'ai peur qu'il ne sache plus lui-même très bien ce qu'il doit faire. Dites-moi, pour en revenir au coup, je vous avoue franchement que moi, j'ai très peur de mes réflexes. J'ai tellement l'habitude de rendre ceux que je reçois. Ça, en tout cas, il ne faut pas. Je suis chargée de vous offrir 500 000 francs pour ne pas avoir de réflexes. 500 000 francs? Ça n'est pas assez? C'est correct. Vous serez logé, habillé et, on peut dire, presque nourri aux frais du monsieur dont je vous ai parlé. Bien. Et si vous êtes habile, je ne pense pas que vous ayez pour plus d'un mois de travail. Un mois de coup? Non, un mois avant d'en arriver au coup. Ah, parce que les coups terminent le travail? Oui. Et le travail sans les coups, ce n'est plus rien. Non, je ne dis pas ça. Écoutez, vous feriez peut-être mieux de m'expliquer carrément la chose, car je ne comprends presque pas. Asseyez-vous. Merci. Il y a longtemps que j'attendais cette petite phrase. Pourquoi? Je savais bien que je n'avais pas votre confiance tant que vous ne m'auriez pas dit de m'asseoir. Nous allons prendre le thé. Le thé? Oui, vous aurez beaucoup à prendre le thé si vous acceptez l'affaire. Tiens. Oui, demain ici, après-demain chez des amis, alors autant commencer tout de suite. Et puis de cette façon, vous verrez ce que je sais faire avec une tasse de thé, une assiette, un gâteau et une cigarette, n'est-ce pas? C'est assez difficile. Pas pour moi. Vous avez donc l'habitude du monde? Oh non, j'ai été un peu jongleur aussi. Le thé, Fernande. Pardon, madame? Servez-nous le thé. Bien, madame, bien. C'est ça, le thé. Vous apporterez quelques fruits aussi, des pêches, s'il y en a. Ah. Parfaitement, madame. Cigarette? Tout alors. Oui. Oui, ce que j'ai à vous dire est assez difficile. Vous avez vu que j'en ai retardé le moment aussi longtemps que je l'ai pu. Vous pourriez peut-être essayer de me raconter tout cela comme si c'était arrivé à une amie? Non. Non, je vais vous le raconter comme si vous étiez un ami. Je vais oublier que je ne vous connaissais pas il y a une heure, oublier l'annonce qui vous a fait venir et imaginer que vous êtes un bon garçon de ma famille qui veut bien se dévouer pour moi. C'est pas bête ce que vous faites. Parce que même si j'étais un sale type et si j'avais pensé à abuser de vos confidences, je serais touché, je ne pourrais plus maintenant. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous le faites. Non, je vous affirme que non. Voilà. Je suis mariée. Oh, lait ou citron? Rhum, merci. Depuis longtemps? 14 mois. J'aime beaucoup mon mari et je crois qu'il m'aime. C'est d'ailleurs parce qu'il m'aime que je vais avoir besoin de vous. Je m'en doutais. Mon mari est un industriel, très gros industriel, matière colorante. Vous avez peut-être entendu parler de lui, LR. Elle est ? Oui, il emploie plus de 1000 ouvriers. Non, ça n'est pas parce que c'est mon mari, mais c'est un homme très remarquable. Les plus grands manieurs d'argent de France sont obligés de compter avec lui. Oui, malheureusement, si j'ai bien compris dans notre affaire, ça n'est pas lui qui me paie, n'est-ce pas ? Alors... Non, il n'a pas seulement des ouvriers sous ses ordres, mais des dizaines de petits teinturiers qui n'existent que par lui, des et petits... à cause de lui. Oui. Écoutez, je ne vois pas très bien la nécessité de m'expliquer ça. Vous allez comprendre. L'autre est de cela. Oh, c'est un petit teinturier. Oh, il est riche aussi. Il a 3 usines très importantes à Lyon. Ah. Mais si mon mari le veut, du jour au lendemain, il sera ruiné. Comment ruiné ? Ruiné, enfin, on ne ruine pas comme ça un homme qui a 3 usines. Non, je ne peux pas très bien vous expliquer comment. Nous autres femmes n'entendons rien aux affaires. Mais si vous aviez vu son inquiétude, vous seriez persuadé que mon mari peut le ruiner. Bon, il le peut, soit, mais enfin, rien ne prouve qu'il le veuille. Si. Mon mari a trouvé une lettre. Ah. Oui. Avant-hier. Nous avions été très heureux pendant 14 mois, lorsqu'avant-hier, pendant le dîner, il s'avise de chercher la police d'assurance vie qu'il a contractée en mon nom. Oh. C'est drôle, n'est-ce pas ? Ouf. En la cherchant, il a trouvé la lettre. Qu'est-ce que c'est que cette lettre ? N'en tirez pas des commentaires, déjà. Je n'ai pas trompé mon mari. Je l'aime beaucoup, je vous l'ai dit. Et je n'ai rien à reprocher depuis que je suis sa femme. Alors ? Avant, j'ai aimé quelqu'un. Comme une folle. Comme je n'aimerais plus jamais. Et tellement que j'ai fait la sottise de garder une des lettres qu'il m'avait envoyées. Pourquoi ? Oh, est-ce que je sais ? Pas à cause de lui, bien sûr. Quand on est jeune, on ne sait pas choisir. Et moi, je n'avais pas très bien choisi. Mais à cause de tout ce qu'elle représentait pour moi, de ma jeunesse et de mes rêves. Et alors ? Alors depuis, mon mari est comme un fou. Mais pourquoi ? Enfin, vous avez aimé quelqu'un avant de le connaître. Son amour propre est sauf. C'est à cause de la signature. Ah, la lettre était signée ? Oui, et même du nom de son meilleur ami. François ? Oui. Ah, c'est pourquoi l'annonce exige que l'on s'appelle François ? Oui. Ah. Mon mari s'imagine que depuis notre mariage, cet amour continue. Et ça n'est pas vrai. Ah, oh, non, alors. Mais alors, il faut le lui dire. Oh. Allez donc faire comprendre cela à un jaloux. J'ai aimé comme une folle quelqu'un qui s'appelle François. La lettre le prouve. Et depuis notre mariage, tous les jours, et souvent même 2 fois par jour, je passe des heures avec quelqu'un qui s'appelle François. Que voulez-vous qu'il s'imagine ? Je vais essayer de résumer, vous me direz si j'ai bien compris. Votre mari trouve avant-hier une lettre d'amour qui vous était adressée il y a 2 ans par un nommé François. Ce François, qui est son ami intime, vit tous les jours à côté de vous, et votre mari croit que cet amour continue. Par vengeance et à tout hasard, il a résolu de ruiner François. Oui. François n'est pas content et veut payer quelqu'un 500 000 francs pour prendre sa place. Voilà. Si je comprends bien, à partir de maintenant, je vais être le François que vous avez aimé. Oui. Je vais être celui qui va détourner la colère de votre mari et protéger les 3 usines lyonnaises. Voilà. Je vais être celui qui va recevoir des coups dans un mois. Peut-être. Dites donc, en fait, pourquoi dans un mois ? Oh, il est tellement persuadé que c'est l'autre François que j'aime. Il lui faudra un certain temps pour être jaloux de vous. Je vais être indiscret encore. Je verrai si je dois vous répondre. Qu'est-ce que ça peut vous faire maintenant que votre mari ruine le nommé François ? Oh, rien, évidemment. Mais je ne veux pas en être la cause. Et pourquoi vous chargez de cette corvée ? Il aurait peut-être pu s'occuper lui-même de se trouver un remplaçant, non ? Non, justement, il est très surveillé. Mon mari est au courant de ses moindres gestes. Et quel sera exactement mon rôle ? Eh bien, vous êtes François Dominique. Oui, oui, bon. Un ami d'enfance à moi, avec lequel j'ai beaucoup flirté jadis. Nous avons eu une grande discussion un jour, parce que je ne voulais pas vous épouser, sans doute, et vous êtes parti. On ne sait pas très bien pour où. Bah, l'Afrique, hein ? Qu'en pensez-vous ? C'est parce que j'en viens. Non, si vous voulez. C'est plus commode. Alors, vous revenez aujourd'hui parce que vous m'aimez encore. Ah, je vous aime encore. Oui, vous venez voir si je suis heureuse, vous constatez que je le suis, vous en doutez pendant quelques jours parce que cette constatation vous est trop pénible, et quand vous en êtes bien sûr, vous repartez le cœur déchiré. Le cœur déchiré. Ça, il faudra être désespéré. Il faudra que votre vie paraisse finie. Oui, c'est entendu. Mais votre mari croira toute cette histoire ? Naturellement. Mais il ne sait donc rien de votre jeunesse ? Non, j'ai fait sa connaissance 3 mois avant de l'épouser. Bon, il va deviner qu'on se moque de lui. Oh, l'idée de garder son ami lui sera trop agréable. Il ne cherchera pas plus loin. Mais j'y pense l'écriture. Quelle écriture ? Mais l'écriture de la lettre. Comment votre mari n'a-t-il pas vu que c'était celle du nommé François ? Mais au contraire, c'est ce qui nous sauve. Mes parents avaient interdit à François de correspondre avec moi. Alors, pour que je reçoive ses lettres, il déguisait son écriture. Ah, bravo. Donc, à partir de maintenant, je vous aime. Oui. Sans espoir, c'est entendu, enfin... Je vous aime. Oui, oui. Et j'ai le droit de vous le dire. J'en ai même le devoir, parce que si je ne vous le disais pas, ça paraîtrait un peu extraordinaire. Mais oui, mais vous le direz quand ce sera nécessaire. Ça me donne tout de même quelques droits d'avoir passé 2 ans dans la brousse à cause de vous. Un peu de calme, je vous en prie. J'ai su prouver que je vous trouvais jolie. Alors maintenant, je peux vous le dire. Mais oui, vous allez même être payée pour le faire, et pour le faire bien. Je suis payée pour vous trouver belle, mais c'est le plus beau métier du monde. Le malheur, c'est que je ne puisse vous le dire que parce que je suis payée. Mais certainement. Quelqu'un a été aimé de vous. Il cède cet honneur et ce danger à un autre. Oh non, il me dégoûte trop, vous lui demanderez 200 000 francs de plus. N'y comptez pas. Alors, dites-moi pourquoi vous m'avez envoyé en Afrique. Vous raconterez que je ne vous aimais plus, que vous m'aviez découragée de vous. Vous n'étiez donc pas heureuse avec moi? Non, je n'étais pas heureuse. Quoi, dans une autre femme? Je sais pas, je n'ai même pas cherché. Tout s'est terminé bêtement, presque sans chagrin ni pour l'un ni pour l'autre. Tendu de parler pour vous. Vous ne savez rien de mon chagrin à moi? Ah oui, c'est vrai. Devant ma case, le soir, avec le phono qui jouait les airs que nous avions entendus ensemble. Le silence du désert derrière, le désert de mon passé devant. Je n'avais que mon chagrin pour compagnon. Oh, admirable, parfait. Non, non, enfin, j'espère seulement que vous n'aurez pas trop à souffrir dans votre amour propre de m'avoir aimé. Je comprends pourquoi vous demandiez quelqu'un de bien élevé et un joli garçon si possible. Oui, n'est-ce pas? Joli garçon, je regrette de ne pouvoir faire mieux. Mais avouez que je me suis assez bien tiré de votre piège de la pêche. De la pêche? Eh oui. Vous saviez bien que rien n'est plus périlleux que de peler convenablement une pêche. Avouez que je m'en suis assez bien tiré. Tellement bien que vous ne vous êtes même pas aperçu que je l'appelais. Je l'avoue. Remarquez que si je n'avais pas su m'en tirer, il me restait la ressource de dire que je ne les aimais pas, les pêches. Je suis contente de vous. Demain, Monsieur Crémone vous remettra 150 000 francs. Alors vous devrez les employer à vous constituer une garde-robe, 2 costumes de ville et 1 smoking. Ce sera suffisant. Oui, n'oublions pas que je suis un voyageur. Bien entendu, ceci n'a aucun rapport avec les 500 000 francs que vous toucherez par la suite. Mais bien entendu, ça je vais. Vous descendrez à l'hôtel. Pourquoi pas chez ce bon François, non? Je vous inviterai à déjeuner tout de suite, je vous présenterai à mon mari et la suite vous regarde. Oui. D'ailleurs, Monsieur Crémone et moi vous donnerons chaque jour des instructions nouvelles. Bien. Mais j'ai besoin tout de suite de quelques informations complémentaires. Lesquelles? J'ai besoin de savoir où et comment... Je vous ai aimé. Vous le demanderez à M. Crémone. J'ai très peur qu'il ne s'en souvienne plus. C'est possible. Alors, voilà. Attends, vous permettez, je voudrais prendre quelques notes. Ah, vous voudriez un carnet et un crayon? Justement, peut-être. Non, ne vous dérangez pas. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous écoute. Eh bien, la première fois qu'il m'a déclaré son amour, c'était à un bal, à l'ambassade d'Angleterre. Bal, ambassade d'Angleterre. Quelle date exactement? En novembre, il y a 4 ans. Début novembre? Le 5 ou le 6. Il m'a embrassée pour la première fois, le 28. 22 jours après? Oui. C'était à Versailles, dans le parc. Vous voyez? Parfaitement. Le 28, Versailles, parc... Feuilles qui tombent, crépuscule peut-être. C'est très joli. Au deuxième acte apparaissent Heller, le mari de Laurette, Marcel André, et Crémone, José Arthur, dans la somptueuse villa de Heller à Saint-Cloud. Il n'a pas voulu. Oui. Oh, ouais. Laurette! Oui? Veux-tu t'excuser auprès de nos amis, s'il te plaît, venir une seconde? Mais bon, chéri. Veux-tu, s'il te plaît, t'excuser auprès de nos amis et venir une seconde? Ah, je crois que c'est un ordre. Alors tâchez de vous passer, vous. Faites un bridge. Ah non, pas de bridge. Alors, en tout cas, excusez-moi. Mais certainement. Je t'en prie. Ben voyons. Je vous assure, mon chéri, que d'ordinaire, le maître et la maîtresse de toute maison ne plantent pas là leurs invités au milieu de la soirée pour venir dans la salle à côté discuter de leurs petites affaires personnelles. C'est lui. Allons, à vous, c'est Crémone. Nous allons recommencer. Je t'ai regardé rire avec lui pendant que Dominique racontait ses histoires d'Afrique. C'est clair. Mais je n'ai pas ri avec lui, j'ai ri simplement parce que je trouvais les histoires drôles. Allons donc, il y avait un air de complicité entre vous. Des yeux qui riaient d'autre chose, avoue-le. Je vous assure que non. C'est lui la lettre, hein? Non. C'est lui, François. Quand cesserez-vous de vous torturer à propos de cette chose morte, finie? Morte, finie, avec lui tous les jours, près de toi. Mais puisque ça n'est pas lui... Lui, toujours près de toi, et son idiote de femme toujours partie. Ce qui doit faciliter singulièrement les choses. Jacques. Et elle est au sport d'hiver, maintenant. Dans un mois, elle sera sur la côte d'Azur, juste avant son séjour en Angleterre. Alors, pendant ce temps-là... Jacques, je vous prie de vous taire. Faut que moi, je sois trompé par ce cocu. Je reviendrai quand vous serez plus maître de vous. Tu vas me faire le plaisir de rester ici. Mais pourquoi faire? Pour recommencer cet éternel interrogatoire auquel vous savez bien que je ne répondrai pas. Si, si, tu vas y répondre un jour ou l'autre, sans le vouloir peut-être. Mais je suis bien sûr qu'un jour tu te tailleras. Jacques, depuis que nous sommes mariés, vous avez pourtant dû voir à quel point je suis avec vous, près de vous. Je l'avoue. Vous savez ce que je fais heure par heure. Qu'est-ce que ça prouve? Puisque Crémone est là aussi, puisque j'ai eu la sottise d'en faire mon ami intime. Puisque jusqu'au moment où j'ai trouvé cette lettre, il ne nous quittait pour ainsi dire pas. Mais il passe son temps à parler de ses affaires avec vous. Ses affaires, ses affaires. Et il va voir ce que je vais en laisser de ses affaires. C'est trop injuste, Jacques. François ne peut pas, ne doit pas être la victime de vos soupçons insensés. Si ce n'est pas lui, qui est-ce? Jacques, mais c'est parce que je voulais toute votre tendresse que je ne vous ai pas parlé de ce passé. Vous n'allez pas le laisser empoisonner notre vie. Tu n'as qu'à parler. Si c'est un étranger, j'irai le voir. Je m'informerai un peu de sa vie. Et si j'ai la preuve qu'il ne s'occupe plus de toi... Je le laisserai bien tranquille. Oh, vous dites ça maintenant. Donne-moi son nom. S'il ne te voit plus depuis que nous sommes mariés, je t'engage ma parole à ne rien faire contre lui. La parole d'Hélène vaut quelque chose, même pour sa femme, non? Je ne peux pas. Donne-moi seulement ta parole à toi que tu n'as pas revue. J'ai encore confiance en toi, tu vois. J'ai encore assez d'amour pour toi, pour croire en ton honnêteté. Donne-moi ta parole que tu ne l'as pas revue depuis que nous sommes mariés. Et nous ne reparlerons plus de cette lettre. Cette discussion est affreuse, Jacques. Dans toutes vos phrases revient cette même crainte, depuis que nous sommes mariés. Ce qui vous importe, ce n'est pas que j'ai aimé quelqu'un, c'est que vous n'ayez pas été trompé. Je le reconnais. C'est qu'Hélène, le grand Hélène, ne soit pas ridicule. Eh oui, excuse-moi. Oh, c'est moi du chagrin que vous avez avec des blessures d'amour propre. Oh, mais dis donc, engueule-moi maintenant. Oh, vous êtes très méchant et très injuste. Mais vous êtes aussi très malheureux. Assez, veux-tu? Bah, donnes-tu ta parole que tu n'as pas revu cet homme? Il y a quelques jours, j'aurais presque pu vous la donner. Quoi? Rien. Non, d'ailleurs, rien, j'ai rien dit. Presque? Qu'est-ce que tu veux dire avec ce presque? Je ne veux rien dire. Tu l'as revu ou tu ne l'as pas revu? Il n'est pas question de presque. Si. Pourtant, en y réfléchissant bien, ce presque a peut-être une signification. Tu voyais François en même temps que moi, et c'est ce que tu appelles ne presque pas le revoir. Mais non! Tandis que depuis quelques jours, tu l'as revu vraiment. Ce qui s'appelle revu, c'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Non, vous ne cherchez pas la vérité. Vous attendez seulement que mes paroles confirment votre idée fixe. Soit! Je reprends ta phrase. Tu aurais pu me donner ta parole il y a quelques jours, tu ne peux plus maintenant. Mais je n'ai pas dit ça. Bah, tu ne sais plus ce que tu dis alors. Ah, je ferais mieux de ne pas vous répondre. Pour vous convaincre que François Crémone est innocent, il me faudrait une preuve. Or, je n'ai pas de preuve. J'en aurais que ce serait coupable de vous les donner. Bien sûr. D'ailleurs, que feriez-vous d'une preuve? Enfin, vous savez très bien que cette écriture n'est pas celle de François. Oh, les écritures, ça se déforme, les écritures. L'enveloppe, alors était timbrée de Londres. Vous savez bien que François n'est jamais allé à Londres. Ne me prends pas pour un idiot, veux-tu? Cette enveloppe n'est pas celle de la lettre, tu le sais bien. Ton ami Elsie Howard t'écrivait toutes les semaines. Tu as mis la lettre de François dans une enveloppe d'Elsie pour que ton père n'ait pas l'idée de la lire. Vous trouvez des explications à tout. Ouais, tu ferais bien d'en trouver quelques-unes, toi. À quoi bon? Puisque vous avez décidé que c'était Crémone, le signataire de la lettre. Quel qu'il soit, je le briserai. Tu m'entends? Je le briserai. Mais Laurette, voyons. Christiane et Crémone s'impatientent, mon petit. Oui. Quand je dis qu'ils s'impatientent, d'ailleurs, c'est une façon de parler. Nous sommes tous les trois. Sans dire un mot les uns en face des autres, c'est comme un bridge junior avec des morts. Oh, très joli. Et Crémone, surtout, n'a pas l'air content. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait, mais il n'a pas l'air content, Crémone. Ah? Mais d'ailleurs, vous non plus, mes chers amis, vous n'avez pas l'air content. À propos, qui allez-vous briser? Oui, quand je suis entré, vous parliez de briser quelqu'un. Il ne sait pas encore qui. Ah, il ne sait pas encore qui? Ah, mais c'est beaucoup plus intéressant. Je le sais parfaitement. Mais ma femme prétend que j'ai tort. Ah, mais c'est encore mieux. Vous vous dites le soir après dîner, tiens, je vais briser celui-là. Et alors, votre femme vous dit, non, tu ferais mieux d'en prendre un autre. Oh, mais j'aimerais beaucoup jouer à ça avec vous, moi. Il arrivera à me faire rire. Non, mais alors, c'est parce que vous ne pouvez pas briser qui vous voulez que vous n'êtes pas content. C'est assez drôle, ça. Eh bien, moi, je suis très content, car votre dîner était parfait. Oui, si, c'est... Non, ne protestez pas, parfait. Il n'y a encore que la cuisine européenne. Allez. Oui, je crois. Oui. Je vous assure, ça me change des dîners de... Oui, bon. C'est étonnant chez vous, vraiment. Ma chambre, particulièrement, est tout à fait bien. Et c'est très chic d'avoir insisté pour que je descende ici. Parce que vous savez, l'hôtel, hein, ça n'est jamais ça. C'est tout naturel. Non, pas si naturel. J'aime beaucoup la vue que j'ai sur le parc. C'est la même que d'ici, d'ailleurs, je crois. Oui, à peu près. Quand je pense aux types qui sont dehors avec une neige pareille... Oui. 6 au-dessous de zéro aujourd'hui. J'ai regardé le thermomètre. Ah, je reconnais qu'il fait très froid ce soir. Et puis ça n'est rien, attendez demain, le baromètre, lui, est à tempête. Hein? Ça a l'air de vous faire plaisir. Ça m'intéresse. Alors vous venez, chère Laurette? Non, non, j'ai encore quelques mots à dire à ma femme. Ah bah oui, c'est juste, vous n'avez pas encore choisi le brisé. Dites-moi, est-ce qu'il y a un journal dans la maison? Oui, sur la table. C'est à cause de leur manque de conversation. Oui. Et puis je vais vous dire une bonne chose. J'estime qu'on ne lit jamais assez les journaux. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Il est charmant. Oui, il est charmant. Je m'y attendais. Depuis qu'il est venu hier déjeuner avec nous, vous êtes littéralement toqué de lui. Mais de quoi te plains-tu? C'est toi qui me l'as présenté, n'est-ce pas? Si j'avais su. Un garçon un peu bizarre, mais très amusant, très intelligent. Il me plaît beaucoup. Tant mieux. Ce qui m'étonne, c'est que ton père t'ait laissé fréquenter quelqu'un d'aussi original. Lui qui prenait tant de soin à t'entourer de petits-fils à papa ridicule. Mon père était moins bête que vous ne le croyez, voilà tout. Voilà tout. Permettez-moi de vous dire qu'en tout cas, vous auriez peut-être pu vous dispenser d'installer Dominique ici. Pourquoi? J'ajoute qu'il a accepté avec un empressement un peu pénible. Pas du tout. J'ai dû terriblement insister. De mieux en mieux. Je comprends pas très bien à quoi rime cette sortie, contre quelqu'un qui est ton ami d'enfance. Quelle sortie? Il m'est désagréable que vous ayez l'air de vous jeter à la tête de ce garçon. Oh, n'essaie pas d'amorcer un autre sujet de conversation. Tu espères qu'en parlant de Dominique, tu m'amèneras à ne plus parler de la lettre. Mais je ne suis pas dupe. Oh non. Dominique m'est très sympathique. Et je te serai reconnaissant d'être aimable avec lui. Voilà pour Dominique. Et maintenant, nous allons prendre notre conversation où nous l'avions laissée. Je ne crois pas. J'ai invité un de tes amis à passer quelques jours chez moi. J'estime que c'est un geste gentil dont tu devrais m'être reconnaissante. Je vous dois de la reconnaissance, en outre. Si tu ne l'aimais pas, quel besoin avais-tu de l'inviter à déjeuner? Il s'est invité. T'as le moyen de refuser à quelqu'un qui vient de passer 2 ans en Afrique. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Tu peux pas lui dire un mot qui ne soit une rosserie. Il ne m'a rien fait. Tu ne le regardes presque jamais. Quand tu le fais, c'est avec un air tellement hostile. Hostile? Pourquoi hostile? Raymond non plus ne peut pas le souffrir. Ah, il ne fait pas bon être votre ami d'enfance. Vous exagérez. Il est certainement d'une excellente famille. Je vous ai dit qu'il avait été au collège avec Crémone. Et évidemment, ses manières sont un peu brusques. Quoi qu'il en soit, très bien élevé. As-tu remarqué la façon dont il a pelé sa pêche au dîner? J'ai remarqué, oui. Crois-moi si tu veux, dans mon affaire contre Verdier, il m'a donné des conseils admirables. Il connaît le code comme personne. Ça, je crois. La teinturerie aussi. Oh, il est très fort. Et il m'a appris que les Aztèques avaient un secret pour obtenir un vermillon inimitable. Il doit écrire à un de ses amis de Mexico pour me l'obtenir. Bravo. Oui, oh, tu peux prendre ton air spirituel. Dominique restera ici aussi longtemps qu'il lui plaira. Bien, bien. Libre à toi de te brouiller avec ton ami. Je suis à peu près décidé à en faire le mien. Savez-vous que votre nouvel ami s'appelle François, lui aussi? Quoi? Dominique s'appelle François Dominique. Et alors? Rien, c'est tout. Je voulais seulement vous apprendre cela. Oui, oui, oui. Vous avez 2 François maintenant. C'est lui qui a écrit la lettre. Non, je ne dis pas ça. Seulement, il s'appelle François aussi. J'en suis sûr maintenant, c'est lui. Vos certitudes vous viennent vite. Mais pourquoi lui reprocherais-tu tellement d'avoir accepté mon hospitalité, hein? Pourquoi serais-tu si froide avec lui? Pourquoi l'accablerais-tu de méchanceté? Après 2 ans, tu devrais être contente de le revoir s'il avait été seulement ton ami. Mais je suis contente de le revoir. Non, non, non, non, non, tout s'explique. Tu as eu un mot malheureux, ma petite, un mot vraiment maladroit pour quelqu'un d'aussi adroit que toi. Oh, vous exagérez tout, tout de suite. Et moi, pauvre idiot, je le trouvais charmant. Je lui demandais de s'installer chez moi pour lui permettre de voir plus facilement ma femme, sans doute. Et je me crois malin. Et tout le monde tremble devant moi. Ah, je suis un fier imbécile. Puis-je placer un mot? Seulement, ceci va se passer très mal. Je vais tout de même lui montrer à ce petit monsieur qu'on ne se fout pas d'air à ce point-là. D'abord, je vais le prier de faire ses paquets tout de suite. Voulez-vous me laisser parler? Non, non, non, non, c'est plus la peine, j'ai compris. Et dès demain, je me mets en campagne. Ah, vous revenez d'Afrique pour faire le joli cœur. Ça vous coûtera cher, mon bonhomme. Je vous ruinerai. Si tu peux. Quelle que soit sa fortune, j'aurai sa peau. J'en ferai un purotin de ton Dominique. Tu crois? Avant un mois, il cherchera un emploi dans les annonces de journaux. C'est bien possible. Raymond! Mon vieux! Raymond! Veux-tu venir une seconde, s'il te plaît? Mais pourquoi appelez-vous Raymond? Je lui demandais quelques renseignements sur son petit copain. Il ne sait rien de plus que moi. Peut-être, mais il n'est pas si malin que toi. Et il n'a pas non plus les mêmes raisons que toi de ménager Dominique. Il m'apprendra sans doute des choses. Non, je vous assure que vous vous trompez et que vous allez faire un scandale inutile. Rassure-toi, je ne ferai rien avant d'être sûr. Et c'est pourquoi Crémone me sera très utile. Eh ben, Crémone! Mais pourquoi vous attendez rangée, Christiane? Je ne sais pas. C'est François qui m'a dit que vous nous appeliez. Toi? Bah oui, tu as dit Christiane. Crémone, voulez-vous venir une seconde? Alors nous sommes venus. Mais je t'avais demandé de boire tout seul. Ah, bah ça m'étonnait aussi. Non, je t'avoue que c'est pour ça que nous ne sommes pas venus tout de suite. On essayait de trouver une excuse pour Dominique. C'est drôle, toutes les fois que je veux te parler, tu amènes quelqu'un. Moi? Ah oui, oui, oui, toi. Tantôt c'est Laurette, tantôt c'est Christiane, tantôt c'est ton secrétaire. Bah, enfin, faut t'avouer que depuis quelque temps, tu n'aimes pas beaucoup me rencontrer sans la seule. Mais pourquoi? Enfin, voyons, c'est ridicule. Alors, en tout cas, si j'ai bien compris, je suis de trop. Oui, je vous demanderai de m'excuser encore une dizaine de minutes, et après je suis tout à vous. 10 minutes? Oui, j'ai une conversation très importante à avoir avec Crémone. Après, nous nous amuserons. M'excusez. Oh, bien sûr. Ah, Christiane! Mon cher Jacques? Est-ce que vous avez connu Dominique avant son départ pour l'Afrique? Dominique? Ma question est claire. Est-ce que vous avez connu Dominique, notre invité de ce soir, celui qui est dans le fumoir, il y a 2 ans avant qu'il quitte la France? Mais bien sûr. Ah. Oh, ben vous avez bien vu qu'en arrivant ce soir, je l'ai salué tout de suite. En effet. Oh, d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup connu. Je l'ai rencontré peut-être 5 ou 6 fois. Seulement? Oh, peut-être 6 ou 7 fois. Merci. C'était un ami de François et de Laurette, oui, alors nécessairement... Je vous remercie. Je peux m'en aller? Savez-vous s'il est riche? Ah, moi, je peux répondre à ça. Oui, toi, tout à l'heure. Ça, j'avoue que je ne sais pas. J'ai lu le journal, j'ai regardé le paysage, j'avoue que je me sens un peu seul. Alors, vous ne pourriez pas m'envoyer quelqu'un? Christiane allait justement vous rejoindre. Ah, parfait. Oh, mais dites-moi, cher ami, vous m'avez tout l'air de quelqu'un qui a trouvé celui qu'il doit briser. Justement. Ah, bah voilà qui est amusant. J'espère que vous me ferez savoir qui, enfin, quand ce sera fait. Vous venez, chère Christiane? Hé, Crémone, asseyez-toi. Ah, ce sera long. J'en ai peur. Je t'écoute. Laurette, tu peux aller rejoindre Christiane? Non, je préfère rester ici si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Si tu veux, mais je te prierai de n'intervenir que lorsque Crémone ou moi te le demanderons. Parfaitement. Tu es décidé à m'appeler Crémone maintenant? Oui! Et je ne te conseille pas de me rappeler ton autre nom. Non, mais bien, je n'insiste pas. Alors, tu as connu Dominique? Ah, je pense bien, oui, nous avons été au collège ensemble. Où? Comment où? À Louis-le-Grand ou à Montpellier? À Montpellier. Je croyais qu'il était de Sedan. Eh ben oui, oui, mais enfin, que veux-tu? Moi, je l'ai connu à Montpellier. Qu'est-ce qu'il faisait à Montpellier? Son père ne s'occupait pas beaucoup de lui, je crois. Il l'avait envoyé chez sa tante. Et quand tu as quitté Montpellier, tu ne l'as pas perdu de vue? Si, un peu. Pendant 1 an ou 2, j'étais à Louis-le-Grand et lui était resté là-bas. Bien. Et alors? Alors, je l'ai retrouvé un jour au Quartier Latin. Il était venu à Paris pour faire fortune. Mmh. Il ne doutait déjà de rien à ce moment-là. Mmh. Et continue. J'ai été très content de le revoir. Mais il est très gai, très optimiste, comme tu as pu le constater. Je te dispense de tes commentaires. Ah, je te prie de ne pas me parler sur ce ton-là. Je suis déjà bien bon de me plier à l'espèce d'interrogatoire que tu me fais subir. Si tu veux faire une affaire avec Dominique, il est normal que tu te renseignes. Mais je t'engage à me parler sur un autre ton, je vais m'en aller. François a raison. Assieds-toi, je te fais mes excuses. Mais je tiens tout d'abord à te dire que je n'ai pas l'intention de faire des affaires avec Dominique. Au contraire, je suis décidé à lui casser la figure dans le plus bref délai. Tiens, pourquoi? Tu le sauras plus tard. Je te serai reconnaissant de ne rien me demander encore. Soit. Alors vous êtes redevenus très amis tout de suite à Paris. Oh oui, bah, rien ne lie davantage que les souvenirs de collège. Je copiais ses compositions, il dessinait mes cartes. On ne peut pas oublier ça. C'est toi qui l'as présenté à Laurette. Pardon? Je te demande si c'est toi qui l'as présenté à Laurette. Eh bien, je ne sais pas. C'est possible. Mais oui, c'est vous, un dimanche. Vous l'avez amené prendre le thé à la maison. C'est possible. Je ne m'en souviens pas. Mais voyons, mais comment aurais-je pu le connaître sans cela? Ah oui, je me souviens maintenant, oui, il pleuvait. Il pleuvait? Tu te souviens de ça? Ah ben, c'est-à-dire que... Oui, oui, tu te souviens à peine que tu l'as présenté, mais tu te souviens qu'il pleuvait. Oui, oui, ça peut t'étonner, mais le souvenir de cette présentation est lié pour moi à une grande impression de pluie. Pas possible. Avoue donc plutôt que tu ignorais que Laurette m'avait tout raconté et que tu ne savais pas ce que tu devais répondre. Je l'avoue. N'importe quel galant homme aurait agi de même. Merci, François. Il était amoureux de Laurette. Tu me gênes beaucoup. Réponds. Mais tu es extraordinaire, ceci ne me regarde pas. Répondez ce que vous croyez être la vérité, François, je vous y autorise. Mais c'est extrêmement délicat. Dis oui ou non, je ne te demande rien d'autre. On disait, enfin, les gens disaient, enfin, nos amis avaient l'air de dire en effet qu'il était très amoureux de Laurette. Et ton avis à toi? Je, je le disais aussi. Ah. Oui, il était bien difficile de ne pas le croire. Tous les matins, il allait choisir lui-même un bouquet de roses rouges, oui, et qu'il faisait porter chez Laurette à 11h exactement. Semblable à celui que tu as reçu ce matin, sans doute, Laurette. Oui. Parfait. Je t'ai fait de la peine. Non, non, pas du tout, mon vieux, pas du tout. C'est tout ce que tu voulais me dire? Non, non, François, non, je te dois des excuses. Depuis plusieurs jours, je me conduis avec toi comme un pignouf. Je suis d'une brusquerie inexcusable. Tu dois être furieux, avec raison. Je te trouvais un peu nerveux. Un peu n'est pas tout à fait suffisant. Je suis à bout de nerfs. J'étouffe de rage. Mais je te demande pardon de t'avoir choisi pour victime. Notre ami a compris, Jacques. Mais oui, oui, j'ai très bien compris. Laisse. Je tiens absolument à te faire mes excuses. Pas seulement pour ma mauvaise humeur, mais à cause de ce que j'ai pensé de toi. De moi? Oui, je t'ai soupçonné. Moi? Mais de quoi, mon Dieu? Vous n'allez pas lui faire part de vos idées ridicules. Non, mais je tiens à lui demander pardon. Eh ben, c'est fait. Mais oui, c'est fait. Tant mieux. Alors, il lui envoyait des roses rouges tous les matins. À tous les matins. Est-ce qu'il lui écrivait? Ah, s'il lui écrivait... Ouais, puisqu'il t'a dit qu'il lui envoyait des roses rouges, il t'a peut-être dit aussi qu'il lui écrivait. Ah, mais il n'a pas dit qu'il lui envoyait des roses. Bah, alors, comment le sais-tu? Oh, mais tu m'embêtes. Comment le sais-tu? Par sa fleuriste. C'était la mienne aussi. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a là d'extraordinaire? Tu as peut-être aussi le même facteur. Et alors? Bah, ça t'aurait permis de savoir à qui il envoyait ses lettres. Je ne te comprends pas. Il s'appelle François, n'est-ce pas? Ah oui, François-Marie. Moi, je l'appelais Marie parce que je trouvais ça plus rigolo. Les lettres qu'il écrivait, il les signait comment? Marie? Mais nous, voyons, tu es bête. Oui, peut-être pas tant que tu crois. À ton avis, pourquoi Dominique a-t-il quitté la France? Je ne sais pas exactement. Un chagrin, ce qu'on disait. D'amour? À l'âge qu'il avait, on ne peut avoir que des chagrins d'amour. Je l'aurais parié. Que voulez-vous dire, Jacques? Tu es très intelligente, Laurette, trop intelligente. Laisse-le parler. Lui, je le comprends mieux. Comment? Oui, toi, tu me fais croire ce que tu veux, pas lui. Mais je ne veux rien te faire croire. Laurette, tu as tout de même eu tort tout à l'heure de m'empêcher de lui faire des excuses. De là à penser qu'il ne les méritait pas. Pardon? De là à penser que tout n'est peut-être pas aussi simple que ça en a l'air. De là à penser que Dominique revient bien à propos avec son chagrin d'amour et ses roses rouges. Vous me comprenez? Ah, alors pas du tout! J'ai eu raison d'attendre avant de faire du scandale, parce que je n'aurais peut-être pas fait celui qu'il fallait. Mais vous êtes fou, Jacques! Je vais t'apprendre quelque chose, Laurette. Les hommes ne savent pas bien mentir. Crémone particulièrement ne sait pas bien mentir. Ça, je l'avoue, je suis la franchise même. Les hommes, quand ils mentent, ont trop d'assurance, ou pas assez. Leurs indignations sont naturelles, mais elles ne viennent pas assez vite. Crémone a protesté contre l'interrogatoire que je lui faisais subir, mais trop tard. Ah, pardon! Trop tard! Parce qu'il avait l'intention de me répondre. Il savait exactement ce qu'il devait me répondre. Tu étais là pour veiller au grain. Moi? Je lui ai fait des excuses pour voir ce que tu allais dire. Je les ai faites aussi plates que possible. Je crois que tu m'aimes encore un peu et je savais que tu ne me laisserais pas m'humilier devant lui si c'était lui, François. Non, vous recommencez. Tout n'est peut-être pas très clair encore pour moi, particulièrement le rôle de ce domino que le diable emporte. Mais... j'ai déjà la preuve morale, et c'est le plus important. Alors vous allez mêler de nouveau ce pauvre Crémone à notre absurde histoire? Oui! Mais écoutez, mes amis, je ne comprends pas très bien ce que je viens faire là-dedans. Tu ne comprends pas? Non, rien. Enfin, surtout à cette histoire d'excuses. Tu me comprendras toujours assez tôt, j'en ai peur. Jacques! Quoi? Je ne peux pas vous laisser aller plus loin. Je ne veux pas vous laisser faire cette mauvaise action et cette sottise. Nous verrons bien. Tenez, lisez cette lettre. Quoi? Encore une lettre? Oui, mais celle-là vous expliquera tout. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Je l'ai trouvée ce matin sous la porte de ma chambre. Ah, c'est trop fort. Lisez. S'il vous reste un peu d'amitié pour celui qui a passé 2 ans en Afrique par votre faute, vous ne lui refuserez pas une heure d'entretien. Ça, c'est formidable. Oui, c'est bien la même écriture. Vous ne m'accuserez pas d'avoir préparé cette lettre pour vous. Non, mais je m'étonne tout de même que tu me l'aies donnée. Domino est taille à se défendre. Tu crois? C'est possible. Où vas-tu? Préviens Christiane que si elle veut rentrer avec moi, elle doit s'habiller tout de suite. Mais elle voudra peut-être rester avec nous. Je ne crois pas que ça l'amuse de rentrer à Paris à pied. Bah, François la raccompagnera. Ah, désolé, cher ami, ma voiture. Mais préviens Christiane, je te dis. Mais où allez-vous? M'occuper un peu de cette affaire. Comment? Oui, je crois que nous allons nous amuser. Oh. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qu'il va faire? À tout à l'heure les commentaires quand il sera parti. Christiane! Voilà? Jacques s'en va, il faut t'habiller tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps de t'expliquer, viens voir demain. Oh. Voulez-vous me donner mon manteau, Dominique? Il est sur le divan. Ah bon? Oh. Oui. Il est charmant, le remplaçant. Dommage qu'il n'ait pas de moustache. Ben oui, que veux-tu? Tant pis. Et comme tu as l'air préoccupée. Oui, oui, un peu, chérie, excuse-moi. Voilà le manteau. Merci, vous. Jacques! Quoi? Pardon? Oh, excusez-moi alors, c'est marginal. C'est parce que je me suis appelé Jacques pendant 3 ans, c'est pour ça. C'est... Jacques! Vous êtes prête, Christiane? Allons! Il y a quelqu'un ici qui se moque de moi. Je ne sais pas lequel de vous deux. Tous deux, peut-être. Oh, Jacques, vous êtes ridicule. Je vais me renseigner de ce pas. Mais je ne saurais trop conseiller à celui qui s'est cru malin de prendre garde. Moi, je tue un caribou à 200 pas. Je n'hésiterai pas à lui casser la figure. Et j'ai un direct du gauche très efficace. D'où qu'il vienne et quel qu'il soit. Je n'aurais jamais cru qu'on pût avoir en Europe une vie aussi intéressante. Je vous attends, Christiane. Voilà, voilà. Je vous ai tout de même trouvé un peu trop insolent. Oh, avec lui, enfin, je vais pas me gêner, comme je sais qu'il doit me flanquer des coups un jour ou l'autre. J'ai bien peur qu'il ne soit plus question de vous en flanquer jamais. Hein? Pourquoi? Nous sommes à deux doigts du désastre. Il a failli tout deviner il y a 5 minutes. Non, vraiment? Oui. Oh, mais il faut avouer aussi que vous prenez vraiment Jacques pour un imbécile. Moi? Ah, on ne peut pas mentir plus mal. Vous lui avez répondu avec maladresse. Vous vous souveniez trop ou pas assez. C'était jamais juste. Mais où en sommes-nous exactement? Ah, j'espère qu'il croit encore que c'est vous, mais pour combien de temps, ça je l'ignore. Oh là là là là là. Ça, il faut agir au plus tôt. Qu'est-ce qu'il va faire à Paris ce soir? Mais dites-moi, l'affaire se complique singulièrement. Comment ça? Vous ne m'aviez prévenu ni que notre adversaire était très intelligent, ni que notre associé l'était beaucoup moins. S'il vous plaît. Ça m'amène à changer mes conditions. C'est très mal ce que vous faites. Vous savez bien que nous ne pouvons rien contre vous. Non, non, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire chanter, non? Si j'échoue, je ne vous demanderai rien. Rien? Rien. Par contre, 1 million si je réussis. Le prix d'une voiture? Oui, enfin, de certaines voitures, oui. 1 million pour vous parler d'amour? Et pour recevoir peut-être des coups de fusil. Non, mais c'est normal, dites-donc. Il y a des oiseaux plus chers que des automobiles. Nous n'avons pas de temps à perdre en discussion. Acceptez, Crémon. Bien entendu. Mais si vous échouez... Oh, non. Non, ça, je n'échouerai pas. L'homme que vous avez aimé, Laurette, doit être plus intelligent encore que votre mari. Non, pas de phrase, voulez-vous. Alors, qu'allons-nous faire? Une seconde. Vous me dites que votre mari s'est douté de quelque chose. Comment avez-vous pu le ramener à s'occuper de moi? Grâce à ça. Quoi, cette lettre? Oui, nous l'avions écrite ce matin, Monsieur Crémon et moi, et signée de votre nom. Pardon? Nous ne devions vous en servir que demain après vous l'avoir montrée, mais les événements se sont tellement précipités... J'aimerais tout de même bien savoir ce qu'il y a dans les lettres que j'écris. Enfin, supposez que votre mari m'ait questionné sur son contenu, la tête que j'aurais faite. Il aurait pensé, cet homme est très fort, voilà tout. Peut-être, enfin... Elle nous a permis en tout cas de gagner quelque temps. Non, dites, j'ai écrit ça, moi? Mais pas vous, moi! Mais vous, non, mais il ne s'agit ni de vous, ni de moi. Mais comment? Ni de vous, ni de moi. Mais l'homme que madame a aimé ne peut pas avoir écrit une lettre pareille. Pardon? Comment? Il la revoit après 2 ans d'absence, 2 ans de désespoir et de regret. C'est tout ce qu'il trouve à dire. C'est vrai. Il a rêvé 2 ans de l'heure qu'il les mettra en présence seul à seul pour lui demander 7 heures. Il ne trouve rien d'autre que ce communiqué. Vous exagérez! Chaque mot est ridicule et faux. Oh, non, enfin, si vous avez encore un peu d'amitié. D'abord, parlez d'amitié là où il y a de l'amour. Pour celui qui a passé 2 ans en Afrique par votre faute. Laurette, si j'avais eu l'honneur de vivre 2 ans en Afrique pour vous, pensez-vous que j'aurais la bassesse de vous en accuser et de m'en servir pour arriver jusqu'à vous? 2 années de ma vie valent mieux qu'une lettre d'introduction. D'ailleurs, vous, je ne vous autorise pas à vous servir aussi bêtement de mon Afrique. Oh, permettez! Puis alors, le dernier mot est le pire. Enfin, vous ne lui refuserez pas 1 heure d'entretien. Une heure d'entretien. Tiens, je reconnais bien là votre style. 1 heure d'entretien pour discuter du meilleur roman de l'année, n'est-ce pas? Quand toute sa vie est en jeu, on ne demande pas des entretiens. Lui, il ne demande pas d'entretien. Il se fout d'avoir un entretien avec elle. Il veut 1 heure de sa vie. 1 heure pendant laquelle elle l'écoutera. 1 heure pendant laquelle il aura le droit de lui dire, avant de partir pour toujours, qu'il l'aime encore, mais qu'il est joyeux de la voir heureuse. 1 heure que 2 ans de chagrin lui ont après tout bien gagnée. Vous avez raison. Votre mari n'est pas si intelligent que vous le dites. Moi, j'aurais compris que cette lettre était fausse. Croyez-vous? Et quelle opinion avez-vous donc de l'amour que vous éprouviez l'un pour l'autre pour avoir pu vous en contenter? Hélas, nous ne pouvons guère être fiers de notre amour. Mais pourquoi il n'était pas si mal? Non, c'était un amour comme un autre. Comme un autre? Oui, comme tous les autres. Tellement ridicule et mesquin. Laurette, vous n'avez pas de mémoire. Oh, si j'en ai, pour mon malheur. Le soir de Versailles, n'a-t-on pas trouvé grâce devant vous? Parlons-en. Nous avions traîné toute la journée dans la ville. Vers 3 heures, il s'était mis à pleuvoir tellement que nous nous étions réfugiés au musée. Mais il ne savait absolument pas quoi me dire. Il m'a raconté, je crois bien, le règne de Louis XIV. Et en sortant de là, exaspéré, dans la brune et dans la boue, J'ai laissé m'embrasser pour sauver le souvenir de cette journée. Non. Non. Ce que vous dites est vrai. Et ça n'est pourtant pas ainsi que les choses se sont passées. Il a plu, c'est vrai. Et lui vous a raconté le règne de Louis XIV, mais... Rappelez-vous ce qu'il a su vous dire de la Vallière. Rappelez-vous aussi que ce jour-là, la boue et la pluie vous avaient paru alliées parce qu'elles vous avaient permis d'être seule dans ce parc que son récit avait peuplé d'ombres amis. Trouverez-vous quelque chose pour embellir les rendez-vous qu'il me donnait dans le petit café de l'école militaire? Vous êtes injuste, Laurette. Il était charmant, ce petit café, un peu triste et désert, mais c'est vous qui l'aviez voulu ainsi. De temps en temps, un soldat égaré venait prendre un apéritif en jetant sur vous un œil d'envie. Le père Adolphe vous aimait bien, vous le trouviez un peu vulgaire et familier les premiers jours avec sa grosse moustache de gendarme et sa façon de dire « Oh, voilà nos petits amoureux !» Seulement le jour de la rupture, vous n'avez tout de même pas osé lui dire que vous ne viendriez plus jamais, tant vous aviez peur de lui faire de la peine. Le père Adolphe. Oui, oui, je me souviens. D'ailleurs, il ne s'appelait pas Adolphe. Tous les souvenirs d'amour sont de beaux souvenirs, croyez-moi, même s'ils sont mauvais. Même s'ils sont cruels. Les miens ne sont ni mauvais ni cruels. Ils sont ternes. C'est bien pire. J'ai donné mon amour et ma confiance à quelqu'un. Il ne s'est rien passé. Allons donc. J'ai même pas souffert. Il n'a pas été méchant avec moi. Ah non, ça jamais. Qu'en savez-vous? Ben, comment est-ce que j'en sais? Cet amour n'a pas été ce que vous croyez, madame, ni ce que vous dites. Vraiment. Il fut plein de fougue et de maladresse. De fougue? De maladresse? Oui, oui, de maladresse. Cet homme que vous avez aimé était un maladroit. Mais c'est très désagréable. Pourquoi le lui reprocher? Vous étiez son premier amour. Mais comment savez-vous ça? C'est de là que sont venus tous les malentendus. Et les rendez-vous manqués, et les petits mots brefs d'excuses qui me déchiraient. C'est la jeunesse, madame. Le magnifique et terrible privilège de la jeunesse qui gâche tout, parce qu'elle est trop riche. Je vous jure que cet homme était pauvre, lamentablement pauvre. J'ai compris bien des choses depuis qu'il m'a quittée. L'ennui et le désœuvrement seuls l'ont poussé vers moi. Cet amour auquel je croyais tant, il l'a bâillé. Et nous n'avons pas rompu faute de sentiments de part et d'autre, comme je l'ai cru, mais parce qu'il avait l'occasion d'épouser quelques usines de la banlieue lyonnaise. Oh, allons, allons, voyons, enfin. Depuis, il a essayé de se servir de mon mari pour augmenter sa fortune. Mais juste au retour des choses, en se servant de lui, il lui a donné des armes dont il a peur aujourd'hui. Voilà, voilà l'homme que j'ai aimé. Ça n'est pas vrai. Si. Je n'ai pas été ce pied plat et cette crapule. Je vous jure que si. Non, Laurette, non. Je n'ai pas pu être aussi affreux. Vous ne m'auriez pas aimé. Oh, est-ce que je savais? En défendant l'homme que j'ai été, c'est vous, Laurette, que je défends. Bravo! Si votre passé avait été si misérable, vous n'auriez pas risqué votre bonheur présent pour conserver ma dernière lettre. Ah, oh, pourquoi l'ai-je gardée? Ce qui est certain, c'est que vous l'avez gardée. Et que Jacques a sans doute deviné que nous sommes probablement perdus. Mais je vous sauverai. Au nom de ce qui a été votre amour pour moi, je vous sauverai. Il est trop tard. Que pouvons-nous faire? J'ai une idée! Oh, je ne crois pas. Vous allez partir. Qui? Vous. Moi? Mais où partir? Comment partir et pourquoi partir? Pour où vous voudrez, définitivement, parce que votre rôle est terminé. Non, je crois au contraire qu'il commence. Non, comprenez donc. En partant, vous fixez tous les soupçons sur vous, vous partez parce que vous avez vu que votre présence troublait la vie de Laurette et que vous avez compris qu'elle ne vous aimait plus. Oui, il a peut-être raison. Au besoin, vous laissez une petite lettre non, explicative. Non, il y a déjà trop de lettres dans cette affaire. Non, votre idée ne vaut rien. Ah non, pardon, pardon. Logiquement, c'est ce que vous devez faire. Vous croyez? Mais puisque vous aimez encore Laurette, il est logique que vous essayiez de rendre la paix à son ménage. C'est vrai, mais pas en fuyant. Pas en m'en allant comme un lâche devant les menaces de son mari. Oh, comme un lâche? Oui, parfaitement. Non, je sais bien que vous n'avez pas peur. Comment le sauriez-vous? Ma vie jusqu'ici n'a été faite que de petites lâchetés traîtrises. Pardon? Il est temps de me réhabiliter, au contraire. On a déjà trop dit que celui que vous aimiez avait peur. On ne l'a pas tellement dit. Vous m'avez fait l'honneur de me choisir. Je sais qu'autrefois, je n'ai pas été digne de vous. Mais ne me demandez pas de lâcheté nouvelle. Vous êtes étonnant. C'est par ma veulerie que je vous ai perdu, mais vous ne rougirez pas de moi une autre fois. Non, écoutez-moi. Non, je ne veux pas vous écouter. Vous ne vous souciez plus assez de mon honneur maintenant que vous ne m'aimez plus. Mais enfin, dans votre contrat, vous vous êtes engagé à partir sur notre ordre. Qu'on brise ce contrat si c'est ma lâcheté qui le rétribue. Mais 1 million, c'est quelque chose. Ni 1 million, ni 500 000 francs, j'aime mieux perdre tout cet argent. Mais avec 1 million, vous pouvez refaire une vie, penser à l'avenir. Mais les gens comme moi n'ont pas d'avenir. Je n'ai pas d'avenir. Par contre, j'ai 2 passés. Quoi? Et je me dois à l'un comme à l'autre. L'homme que Laurette a aimé ne s'en ira pas comme un domestique parce qu'on a vaguement parlé de lui donner des coups. Soit. Je ne m'en irai pas comme un trembleur. Ce grand amour que je continue, je le continuerai bien. Si vous voulez. Gardez votre argent. Ça n'est pas possible, voyons. Et surtout, ne vous inquiétez pas pour moi. Dans le journal de ce soir, il y a déjà une annonce très intéressante. Vous ne voulez pas partir. Bon. Mais alors, qu'allons-nous faire? Et ça, c'est juste. Qu'allons-nous faire? Oui, pendant que nous discutons, Jacques agit. Il agit, je ne vois pas comment. Et quoi, il va peut-être questionner Christiane? Ben alors, elle nous fera gagner du temps, parce qu'elle est très intelligente. Ouf. Oui, en tout cas, elle lui répondra mieux que vous. Ben, ça peut être. Enfin, nous, que devons-nous faire? Je ne sais pas. Ben, vous ne savez pas. Ben, il faut réfléchir. Réfléchir, nous n'avons pas le temps de réfléchir. J'ai connu un chasseur de fauves, il m'a appris que même lorsqu'on avait un tigre à 10 pas devant soi, il fallait prendre le temps de réfléchir. Bien, réfléchissons. Bon. Avec un amour comme celui que j'ai pour vous, il n'est pas possible que je m'en aille. Ben, ça c'est entendu, bon, après... Surtout que votre mari m'a menacé. Mais même s'il ne m'avait pas menacé. Même. Vous m'avez dit, souvenez-vous-en, Laurette, vous vous en irez quand vous aurez constaté que je suis heureuse. Oui, eh bien... Eh bien, psychologiquement, ça ne tient pas. Je vous aime trop pour croire que vous êtes heureuse. Ah ? Je ne crois pas que vous êtes heureuse. Vous n'êtes pas faite pour ce petit bonheur monotone. Vous aimez beaucoup votre mari, mais vous avez besoin de sa confiance. Le sentiment que vous avez l'un pour l'autre est calme, peut-être doux. Mais ça n'est pas de l'amour. Sans ça, vous n'auriez pas peur de vous déchirer l'un l'autre. Que dites-vous ? Ce qui est logique, c'est que je vous demande de partir avec moi. Vous parlez sérieusement ? Très sérieusement. La seule chose normale, la seule chose qu'il croira, c'est que je vous offre ma vie de hasard et d'aventure. Vous êtes fou ! Cet entretien, comme dit monsieur, que je vous ai demandé, je n'ai pu vous le demander que pour ça. Il a raison ! Comment il a raison ? Mais oui ! Il vous demande de partir avec lui, il vous prie, il vous supplie, et au beau milieu de ses supplications, Jacques arrive, il entend tout, il le jette dehors, et voilà. C'est ce que vous vouliez dire, Domino ? Oui, c'est ce que je voulais dire. Je trouve votre idée admirable. Oui, moi aussi, je trouve votre idée admirable, sauf sur un point, il ne me jettera pas dehors. Mais enfin, ça c'est un détail. Oh, je suis très content. Mais comment faire surprendre notre entrevue ? Ah oui, comment ? Et où aura-t-elle lieu d'abord ? Eh bien, ici. Ici ? Ben oui, avec la galerie ici, c'est très pratique. Oui, peut-être. Voilà, il faudra que votre mari arrive par cette galerie. Il sort de sa chambre, c'est très normal. Mais comment le faire sortir de sa chambre ? Nous n'allons pas jouer notre scène d'amour jusqu'à ce qu'il lui plaise de sortir. Ben, ça, c'est le travail de monsieur, vous allez être utile, mon vieux. Ah, c'est moi qui... Oui, à l'heure que nous aurons convenu, il le fera sortir. Mais qu'est-ce que je lui dirai ? Ah, ben, n'importe quel prétexte sera bon, car lorsqu'il aura vu ce que nous lui ferons voir, il aura oublié le prétexte. Ouais. Je le crois aussi, pauvre Jacques. Est-ce que nous essayons une fois ? Ben, ce serait mieux, oui. Alors voulez-vous monter, mon cher ? Il faut que je monte. Oui, vous allez jouer le rôle du mari. C'est nécessaire. Ah, oui, c'est absolument nécessaire, allez. C'est très désagréable. Non, plus haut ! Mais plus haut, enfin, allez jusqu'à la porte ! Jusqu'à la porte, François. J'y suis. Bon. Alors maintenant, vous allez sortir. Sortir ? Oui, et presque tout de suite après, vous ouvrirez négligemment la porte comme il l'ouvrira lui, n'est-ce pas ? Négligemment ? Oui, vous avez compris. Alors sortez. Je n'écrirai plus jamais. Il faut vous rapprocher de moi, je vous demande pardon, Laurette. Oui. Alors, j'ouvre ? Non, une seconde. Allez-y. Allez-y ! Laurette, j'ai essayé de vous oublier, je n'ai pas pu. Est-ce que vous voyez bien d'où vous êtes ? Très bien. Je vous aime, Laurette. Je vous adore. Vous entendez bien, là-haut ? J'entends très bien. Voulez-vous partir, Laurette ? Évidemment, la vie que je vous offre est pleine d'incertitudes et de hasards, mais les pays où je vous emmènerai seront si riches qu'avec la force que me donnera votre amour, je nous ferai une fortune. Partez avec moi. Non, non, ça, il faut le dire mieux que ça. Vous protestez trop mollement, là. Non, je vous jure, on dirait que mon idée vous amuse. Non, je protesterai mieux, soyez tranquille. Très bien. Laurette, il faut partir. Vous ne croyez pas que j'aurais déjà dit quelque chose ? Mais la stupeur, mon vieux, alors vous comptez sans la stupeur. Ah, c'est juste. Ah, puis il faut le temps de descendre l'escalier. Bien sûr. Alors, je continue. Laurette, je vous aime et je vous le prouverai. Avec vous, rien ne me sera jamais difficile. Ça va ? Ça va. Alors, parfait. Au troisième acte, toujours dans la villa de Heller, 20 jours après. Et alors, il paraît qu'il y a du nouveau, c'est vrai? Oui, la grève est terminée. Hmm. Le travail reprendra demain, l'affaire est conclue. Laurette, Madame Heller, m'a dit que son mari avait parlé aux grévistes? Oui, il leur a fait tout un long discours, assez adroit et même assez émouvant. Ah, bah, ça ne doit pas être commode d'émouvoir des ouvriers surexcités par 20 jours de grève. Il y est parvenu tout de même. Heller est malin et il a du cran. Oh, tant que ça? Oui, vous allez vous en apercevoir parce que maintenant, il va pouvoir s'intéresser à sa vie de famille. Hein? À Laurette, à vous, à moi. Oui. Cela paraît vous chagriner? Moi, non. Vous ne pensiez tout de même pas que cette grève allait durer toujours? Oh, je ne le pensais pas, mais je l'espérais. Nous allons vous voir à l'œuvre. Eh oui, et ce ne sera pas trop tôt puisqu'il y a déjà 20 jours que je vous paie à ne rien faire. Oh, pardon, si quelqu'un a le droit de se plaindre, c'est moi. Écoutez, nous avons traité au forfait. Alors que je reste 6 jours ou 6 mois, je ne toucherai pas un sou de plus. Ça, vous pouvez en être sûr. D'ailleurs, j'ai la prétention d'avoir fait consciencieusement le travail pour lequel je suis payé. Ah, ça, oui. Enfin, vous m'avez engagé pour me faire surprendre avec Madame Heller par son mari. Je suis venu tous les jours très régulièrement dans ce but. Ça n'est pas ma faute si je n'ai pas réussi. J'en suis moins sûr. J'ai lancé à Madame Heller des regards très amoureux, très tendres, très expressifs que son mari a surpris. Comment expliquez-vous alors qu'il n'ait pas agi? Parce que de votre côté, vous en avez lancé aussi et tellement amoureux, tellement expressif que ce pauvre monsieur Heller ne sait toujours pas à quoi s'en tenir. Vous allez dire que c'est de ma faute. Je ne répondrai pas à cette question. D'ailleurs, je ne m'en suis pas tenu au regard. Ah non? J'ai essayé aussi de serrer furtivement la main de Madame Heller. De lui serrer la main? Ostensiblement, pour que son mari le voie. Mais votre charmante associée a manqué de sang-froid, elle a retiré sa main. C'est pour cette raison, je pense, qu'il ne s'en est pas inquiété. Je pense aussi. D'ailleurs, comment inquiéter réellement un homme qu'on ne voit pas plus de 10 minutes par jour? Car pendant toute la grève, nous ne l'avons jamais vu plus de 10 minutes. Malheureusement. Pendant nos heures de loisirs, nous avons peut-être répété 20 fois la scène qu'il doit surprendre. Ça, nous la savons admirablement. Et... aïe, il ne manque plus que lui. Vous avez répété. Oh, nous avons même à peu près prévu toutes les questions qu'il pourrait nous poser. J'ai d'ailleurs trouvé des réparties assez amusantes pour à peu près toutes. Non, maintenant, nous avons absolument besoin de lui, ça. Oui, évidemment. Il n'avait pas l'esprit à ça, que voulez-vous? Cette grève l'a absolument accaparé. Oh, maintenant qu'il a triomphé de ses ouvriers, je suis à peu près sûr, comme vous, que sa première pensée sera pour nous. Il va venir? Non, certainement, il sera ici dans un quart d'heure. Il est actuellement occupé à signer l'accord avec les délégués du syndicat. Alors, parfait. Oui. Eh bien, il faut en finir aujourd'hui. Personnellement, c'est vraiment possible. Oh, je ne le sais que trop. Que voulez-vous dire? Je dis que vous faites trop bien votre travail. Et que l'espèce d'adoration que vous manifestez pour Madame Heller serait presque insultante si ce qui vient de vous vers elle pouvait être insultant. Je joue mon rôle. Trop bien! Rien de ce qu'on fait n'est jamais trop bien fait, monsieur. Moi, j'ai un principe, je fignole. Vous fignolez? Je soigne le détail. J'estime qu'il faut laisser au hasard le moins de place possible pour qu'il aille bien là où on l'attend. Ah oui. Et puis écoutez, j'aime votre personnage. J'y peux rien, il me plaît. Enchanté. D'ailleurs, sans me vanter, je crois l'avoir bien amélioré. Vraiment? Ah, écoutez, il partait mal, avouez. Mais j'ai tout de suite senti qu'on pouvait en tirer quelque chose. Je vous dispense de tout commentaire. Pourtant, il est nécessaire de fixer encore un point important. Fixer? Bon, il est bien entendu que l'amoureux de Madame Heller ici, c'est moi. Mais c'est entendu. Vous ne l'aimez pas. Et vous ne l'avez jamais aimé. Ah, pardon? Vous m'avez fait venir ici pour le prouver, alors. Alors? Bon, alors, croyez-moi, dispensez-vous d'une admiration justifiée, mais dans votre cas, très dangereuse. Croyez? Admirez, mais qu'on n'en sache rien. Vous êtes vraiment inouï. C'est comme cette air de souffrance que vous avez quand elle rit d'une plaisanterie que vous n'avez pas faite. Il est déplacé. Déplacé? Ben, je crois, oui. C'est une leçon. C'est un conseil. Je ne vous paie pas pour me donner des conseils. Mais c'est la preuve qu'ils sont désintéressés. Gardez vos conseils pour vous-même. Si j'en juge par votre vie, vous en avez bien besoin. Oh, ma vie n'est pas si mal, puisque vous n'avez pas craint de l'enrichir d'un peu de la vôtre. Prenez garde! À vous? C'est risible. Je vous ordonne! D'être froid avec Madame Heller, de ne pas la trouver jolie, je ne peux pas, je suis payé pour ça. Vous avez tort de m'exaspérer. Vous allez me briser, vous aussi? Je suis très puissant. Il vaut mieux être fort. Il pourrait vous en coûter cher. Je n'ai rien que votre argent. Ma patience a des limites. Non, je crois pas. Vous ne croyez pas qu'elle a des limites? Non. Et si je vous envoyais mon poing dans la figure? En me frappant, c'est un peu François Crémone que vous frapperez. Nous nous retrouverons. Alors quoi? Notre mouton était un tigre? Votre mouton? Celui qui avait si peur d'Heller n'a pas peur de moi? Non, je n'ai pas peur de vous. Pourtant, je suis bien plus terrible que lui. Bien plus terrible. Je vous répète que je n'ai pas peur de vous. Pour vous rendre si courageux, je ne vois qu'une chose. La jalousie. La jalousie? Je crois, oui, excusez-moi, je commence à croire que vous me faites l'honneur d'être jaloux de moi. Jaloux de vous ? Eh oui, jaloux des sourires, des mots gentils et des regards tendres auxquels mon rôle me donne droit. Jaloux de vous ? De vous ? Enfin, pas exactement de moi, si vous voulez, mais de celui que je parais être. Votre passé vous manque, comprenez-vous ? Mon passé ? Vous regrettez maintenant de me l'avoir donné et de ne pouvoir me le reprendre. Et vous le regrettez tellement que vous avez un peu l'impression que je voulais voler. Qu'est-ce que vous dites ? Je ne voulais pas voler. Vous m'avez payé pour le prendre. Hein ? Vous pensiez vous débarrasser de votre passé pour 500 000 francs ? Ce serait trop facile. Il était là. Il attendait pour vous prouver qu'il n'est pas tout à fait mort. Je vous prie de vous taire ! Et il vous manque. Il vous manquera toujours désormais. Vous êtes plus pauvre que les plus pauvres. Le dernier des clochards à un passé vous pend. C'est vrai. Vous l'avez renié. Il se venge. C'est vrai. Je vous accusais d'être jaloux de moi, c'est de vous-même que vous êtes jaloux. Hein? Et alors ça? Ça doit être terrible. Bonjour! Hein? Oh, oh, oh, quelle mine vous faites, mon pauvre Crémone. Bonjour, Domino. Bonjour. Alors, où en sommes-nous exactement ? Si vous le permettez, je vais faire le guet pendant que nous discuterons. Votre mari peut arriver d'une minute à l'autre. Ah, il faut lui faire surprendre ce que nous voulons et pas ce qu'il voudrait. Il ne peut entrer que par le hall. Que par le hall. Bravo. Ah, la grève est terminée, il va s'occuper sérieusement de nous. Alors, il faut faire quelque chose. Nous pourrions peut-être faire surprendre la scène que vous avez si soigneusement répétée. Non. Comment non ? Non, j'y réfléchis, c'est insuffisant. Comment ? Dans cette scène, il vous dit qu'il vous adore, qu'il veut vous emmener au bout du monde, qu'il n'a jamais pu vous oublier, et ce n'est pas suffisant. Ce serait suffisant s'il était seul à me le dire. Mais je ne sais pas ce qui vous a pris ces jours-ci. Vous ne pouvez pas me rencontrer sans me rouler des yeux terriblement significatifs. Je vous roule des yeux, moi. Je suis même surpris que mon mari s'inquiète encore de Domino quand vos sentiments pour moi sont si visibles. Alors on ne se fait plus surprendre. Non. Dans ce cas, j'ai une autre idée. Ah, laquelle ? J'aime beaucoup les idées de Domino. Je vais me tuer pour vous. Quoi ? Je vous aime tellement. N'est-ce pas ? Je sens que je vous ai perdu. Je décide de mourir. Mais vous êtes fou ! Non, rassurez-vous, une petite mort bien tranquille, j'en mourrai pas. J'ai l'habitude. Vous avez l'habitude ? Je serai seulement un peu blessé. Un peu blessé, mais je vous le défends bien. Oh non, mais très proprement, je ne salirai même pas un fauteuil. Mais assez, c'est stupide ! Vous êtes stupide. Vous voulez vous rendre intéressant. Vous estimez que Laurette n'est pas encore assez troublée par vos manières d'aventurier. Troublée ? Vous avez trouvé ça. Vous voulez vous donner un rôle de héros qui n'hésite pas à mourir pour celle qu'il aime. Je ne vous comprends pas, Crémone. Vous lui faites une scène de crocheteur alors que pour 500 000 francs, il vous offre un suicide par-dessus le marché. Vous acceptez ? Non, bien sûr que non, je n'accepte pas. Mais je suis très touchée. Je vous en prie. Moi, je trouve votre idée très jolie. Non. Très noble. Mais c'est la moindre des choses. Si se tuer pour une femme qui ne vous aime plus. Je ne me serais pas tuée. Non, je... presque. Presque, c'est entendu. Ah, vous voyez bien. Avez-vous fini de vous congratuler ? Nous ne sommes pas là pour examiner les mérites de monsieur, il en a tellement. La journée n'y suffirait pas. C'est juste. Bon, qu'allons-nous faire ? Écoutez, si nous renonçons au suicide, je ne vois qu'une issue, le baiser. Quel baiser ? Un baiser que nous échangerions au moment voulu, madame et moi. Qu'est-ce que vous dites ? Un baiser, c'est net, n'est-ce pas ? C'est pas compliqué, c'est catégorique. Ah non, j'aime encore mieux le suicide ! En tout cas, le baiser ou le suicide, nous n'avons pas le choix. Mais il n'est pas question que vous l'embrassiez, Laurette, n'est-ce pas ? Vaudrait mieux pas. C'est mon ami. Évidemment, c'est net et catégorique. Enfin, supposez que votre mari n'entre pas au moment prévu, alors votre baiser durera une heure. Ah, s'il doit durer une heure, je préfère le suicide, moi aussi. Un salaud ! Non, c'est de la prudence. J'espère que madame, elle, ne s'y était pas méprise. Non, Domino, je comprends très bien. Mais le suicide ni le baiser ne me paraissent convenir. Et je suis bien contente d'avoir trouvé autre chose. Autre chose ? J'ai trouvé Mirandole. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais vous le connaissez très bien, Domino. Vous l'avez rencontré il y a 20 jours. Oh, il y a 20 jours. Mais c'est ce garçon que j'ai failli aimer à votre place. Ah, oh, Mirandole. Justement. Ah, Mirandole, oui. Ah oui, et alors ? Eh bien, Christiane est allée le voir hier matin. Et moyennant 10 000 francs, il a accepté de venir témoigner. Mais témoigner de quoi ? Eh bien, que Domino a été mon amant, que je l'adorais, que c'est à cause de moi qu'il est parti en Afrique, enfin, je sais pas exactement. C'est que justement, il faudrait bien savoir. Christiane est remarquablement intelligente. Vous avoir confiance en elle. Son histoire se tiendra admirablement. Et c'est ce bon Mirandole qui va raconter ça. Mais d'ailleurs, il a des preuves. Des preuves ? Mais toutes les lettres d'amour que Domino a écrites ces jours-ci en imitant votre écriture, Christiane les a données à Mirandole. Parce que vous avez aussi écrit des lettres. Mais je vous ai dit, je fignole. Oui. J'ai d'ailleurs dû corriger l'orthographe. L'orthographe? Ah non, ça, il n'y avait pas de faute. Justement, Crémone, il en fait... Ah, pardon, ah oui. Ah, c'est à s'y méprendre, mon cher Crémone. Les signatures, surtout. Oui, j'avoue que je connais assez bien les signatures. Laurette. Chut, chut. Qui est-il? Attendez, je crois que j'ai entendu du bruit. C'est peut-être votre mari qui rentre. Oh, allez vous en assurer. Et si ce n'est pas lui, laissez-nous 5 minutes. Ok. Laurette, je ne vous reconnais plus. Vous n'êtes plus la même. Je crois que non. Vous avez l'air de vous amuser de tout ça. Ah, c'est vrai, je m'amuse. Me le reprochez-vous? Vous vous ébattez au milieu de tous ces mensonges comme s'il n'y avait pas de danger. Comme si vous n'en voyiez que le plaisir. C'est vrai, Crémone. Il y a chez les plus honnêtes femmes et malgré ma faiblesse pour vous, je crois que j'en étais une. Que vous en étiez une? Il y a chez les femmes une certaine dose de fourberie. Une fois qu'on l'a mise en route, rien ne l'arrête. Vous avez voulu que je mente, tant pis pour vous. Si maintenant cela m'amuse de mentir, ne vous en prenez qu'à vous-même. Non, Laurette. Quoi? Laurette, il a raison, et vous avez raison. Depuis 15 jours, je suis comme fou. Mon amour pour vous a repris de plus belle. Je ne me souviens plus d'avoir cessé de vous aimer. Je suis jaloux de tout, de tous. De votre mari, de vos amis, de cet homme même. De Domino? Oui. Vous êtes jaloux de votre ombre? Oui, Laurette. Il n'est pas possible que vous ayez tout oublié. Nous sommes aimés, souvenez-vous-en, mais vous m'avez aimé. J'ai aimé François. Je ne sais pas s'il s'appelait Crémone. Enfin, voyons. Enfin, rappelez-vous. Le petit café de l'école militaire. Mm-hmm. Le petit artilleur qui venait prendre l'apéritif. Le petit artilleur? Oui, et le père Fernand avec ses grosses moustaches. Oh, il s'appelait Adolphe. Mais non, j'en suis sûr, Fernand. Adolphe, demandez à Domino. Mais que voulez-vous qu'il en sache? C'est comme l'artilleur, il n'y a pas d'artilleur à l'école militaire. Attention, demandez à attention. Domino. Qu'est-ce qu'il y a? Le voilà, il vient d'ouvrir la porte, il quitte sa plisse. Oh, fuyons, vous venez Domino? Et je crois bien avoir vu ce bon Mirandole dans l'antichambre. Oh. Alors allons-nous-en. Non, ah non, pas du tout, vous, il faut rester. Il faut rester, vous, pour que nous ayons l'air d'être seuls tous les deux. Bonsoir, toi. Bonsoir. Alors, tu es content? Tout s'est arrangé selon tes prévisions? Merci. Où est Laurette? Quelque part par là, avec Dominique. Avec Dominique? Ben oui. Tu trouves malin de les laisser seuls tous les deux? Alors, pendant que je me crève à la fabrique, toi, comme un bon imbécile que tu es... Ah oui, c'est juste, vous êtes là, vous. Oui, j'ai demandé un entretien confidentiel. Mais qui êtes-vous, d'abord? Mirandole. Je vous connais pas. J'en suis fâché. J'en suis fâché, mais ça m'étonne pas. Mandez-moi un rendez-vous, je verrai si je peux vous l'accorder. Ce que j'ai à vous dire est d'une urgence formidable. Ah bah. D'une urgence formidable et d'un intérêt puissant. Tu ne crois pas que tu ferais bien de l'entendre? Pardon? Qu'y a-t-il? Alors, je croyais que vous m'aviez cligné de l'œil. Je vous ai cligné de l'œil, moi? Je vous demande pardon, c'est sans doute un tic, je savais pas. Oui, je vais le recevoir. Va voir un peu ce que fait Laurette. Bien, bien. Mais je vous préviens, vous, que si ce que vous avez à me dire n'est pas intéressant... Ah, je n'emploie pas les mots à la légère. Je vous assure que c'est d'un intérêt puissant et d'une urgence formidable. Nous allons voir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Monsieur, je suis ici pour vous rendre un service important. Quel service? Un service d'une importance capitale. Oui, mais parlez donc, parce que nous verrons bien. Monsieur, je vous demande pas d'argent. Je n'attends rien de vous. La seule rétribution que j'espère est le merci... Oh, merci, monsieur, que vous me direz tout à l'heure. Alors? Alors, monsieur, je vous demande de vouloir bien vous départir de la brusquerie dont vous usez envers moi, et qui m'est on ne peut plus pénible. Parlez, monsieur, je vous écoute, mais parlez plus simplement, si vous le pouvez. Les événements dont j'ai à vous entretenir m'obligent à châtier mon langage. Mais de grâce, arrivons au fait. Nous y voici, monsieur. Vous aimez votre femme? Oui, mais quel rapport? Vous aimez profondément madame votre femme? Oui. C'est ce que je craignais. Oh, expliquez-vous! Tenez. Tenez! Qu'est-ce que c'est que ça? Du pain. Quoi? Du pain, monsieur, dont je ne veux pas manger. Non, mais vous pourriez pas être un peu plus clair? Ces 10 000 francs m'ont été remis par une personne qui se prétend l'ami de votre femme. Christiane? Oui. Christiane vous a donné 10 000 francs? Oui, hein? Croyez-vous? Je comprends rien. C'était d'ailleurs primitivement 10 billets de 1 000 francs. Mais je les ai convertis en un seul gros billet pour mieux résister à la tentation de les changer. Oui, Christiane vous a donné 10 000 francs. Elle a bien fait. Je vois pas en quoi ça me regarde. Mais je n'en veux pas, moi, de ces 10 000 francs. Mais c'est à elle qu'il faut le dire. Ces 10 000 francs sont le prix de mon déshonneur. Gardez-les, monsieur. Vous les rendrez à votre ami. Oui, je veux bien. Et vous me demandez pas pourquoi il me donnait ces 10 000 francs? Pour vous déshonorer, vous me l'avez dit. Oui, mais pas seulement moi. Moi, je comptais pas pour elle. Et me déshonorer en passant. En passant? Oui. C'est votre femme qu'elle voulait atteindre. votre charmante femme, à qui j'ai d'ailleurs été présenté. Je vous prie même à ce propos de me rappeler à son bon souvenir, Mirandol. Oui, mon nom est Mirandol. Je ne comprends rien, mais rien du tout à ce que vous me dites. Christiane déteste Lorette. Ah, malheureux, si elle la déteste. Mais et qu'en savez-vous? Ce que j'en sais, elle me payait pour venir vous dire. Mais me dire. Non. Non, non, non, non, non, c'est trop ridicule, c'est trop bête. Quand on connaît votre femme. Enfin, allez-vous parler? Monsieur t'a se lever la nuit pour un rire. Elle me payait pour venir vous dire que votre femme a eu un amant. Oui, mais quel amant? Comment? Vous repoussez pas du pied ces infâmes calomnies? Quel amant? Mais puisque je vous dis que c'est faux. Avec ce qui est faux, je saurai ce qui est vrai. Vous êtes réellement bizarre, vous. Je vous dis que rien n'est vrai. Peut-être rien de ce que vous dites, mais le reste, le reste. Mais si vous saviez réellement qui on veut faire passer pour l'amant de votre femme? Qui? Devinez. Oh, écoutez, je vous conseille de ne pas vous payer ma tête, mon petit bonhomme. Non, ne vous fâchez pas, je vais vous le dire. J'attends. Eh bien, c'est un nommé Dominique, un puritain comme moi. Gentil garçon, je dis pas, mais qui a fait les 400 coups. Il y a un mois, il n'avait jamais vu votre femme. Non. Elle l'a engagé, pour ainsi dire, devant moi. Je ne sais pas pourquoi faire exactement. Elle l'a engagé devant vous? Oui. Et on veut vous faire croire que ce malheureux, car c'est un malheureux, est l'amant de votre femme. Ah, oh, mais heureusement que Mirandol est là. Il est là, Mirandol. Et il se met en travers. Oui, oui, oui, merci, merci. Il est en travers, Mirandol. Oui, oui, continuez. Je vous disais donc que j'étais chez moi ce matin quand cette nommée Christiane arrive et me demande ça. Oui, bon. Mais où elle m'a pris véritablement pour une andouille, c'est quand elle a voulu me faire croire que votre femme était dans la combinaison. Ah oui? Bon, vous pensez, votre femme qui essaye de vous faire croire qu'elle a eu un amant. Comme c'est logique, hein? Ouais. Comme c'est naturel. Ouais, en effet. Quelle mentalité! Je ne te dérange pas, vieux. Veux-tu patienter encore 5 minutes? Bon, bon. Si c'est intéressant ce qu'il te raconte. Très intéressant, je te jure. Très intéressant. Bon, bah alors à tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Et vous n'imaginez pas ce qu'elle a pu me dire. Une histoire tellement compliquée. Je l'ai marqué sur mon carnet. Soi-disant que j'aurais été maître d'hôtel, je ne sais plus où. Ah, alors là, je les aurais connus. Je leur aurais même subtilisé des lettres. Tenez, les voici. Oui, merci. Bonjour, mon chéri. Vous n'avez pas besoin de moi? Non, non, non. Veux-tu me laisser 5 minutes avec monsieur? Oui, oui, bien volontiers. Oh, j'ai peur de m'être conduit comme un grossier. Mais dans une situation aussi difficile, je ne savais pas si je devais reconnaître madame. Oui, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Si vous voulez, nous allons continuer cette conversation chez moi. Nous sommes trop souvent dérangés ici. Mais parfaitement. Et vous seriez gentil de lui présenter mes excuses. Oui, oui, entendu. Voulez-vous continuer? Si je veux continuer, je pense bien, je ne laisserai pas faire de mal à une femme qui m'a donné de quoi lui acheter des roses. Après vous. Je vous en prie. Excusez-moi, cher ami. Ils sont partis. Je ne sais pas pourquoi ce Mirandol ne me dit rien qui vaille. Mais il est parfait, au contraire. Je vous dis qu'il remettait les lettres à Jacques au moment où je suis arrivée. Oui, mais ça ne signifie rien. Il y a façon et façon de remettre des lettres. Ils sont là-haut? Oh, oui, certainement. On n'entend pas de bruit. Ça m'a l'air de se passer très bien. Ouais. Edmund, veux-tu me faire l'amitié de monter une seconde? Moi? Oui, oui, mon bon François, toi. Mais tu ne te trompes pas, tu es sûr? Parfaitement sûr. Ah, parce que je pensais que c'était plutôt à Dominique, enfin, que tu voudrais parler. Non, tu vois, c'est à toi. Mais oui, c'est à vous. Ah bien, alors bon. Eh bien, alors je monte, oui. C'est ça, monte. Mais qu'est-ce qui se passe, bon Dieu, mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Mais ça ne t'ennuie pas, au moins? Oh, pas du tout. Mais tant mieux. Non, je parlais à ta femme, n'est-ce pas? Mais en somme, je pourrais très bien continuer ma conversation tout à l'heure. Mais c'est mon avis. Vous nous excusez? Oui. Oh, attends, j'ai oublié mon fume-cigarette sur la table. Tout à l'heure! Je te promets que tu fumeras tout à l'heure. Comme tu voudras, alors, comme tu voudras. Alors c'est fini. Oui. En ce moment, je perds ma place. Vous allez partir? Certainement, votre mari passe un peu ses nerfs sur Crémone avant de me jeter dehors. Ainsi, nous ne nous reverrons plus. Et non. Je vous regretterai, Domino. Alors, tant mieux. Je vous dois une telle reconnaissance. Non, tout est compris dans le million. Vous avez sauvé ma jeunesse, vous avez réhabilité mes souvenirs. Bah. cet amour médiocre qui était ma honte. Vous en avez fait quelque chose de merveilleux. Nous ne sommes donc pas seuls. Si, pourquoi? Je ne vous trouve pas très naturel. Pas naturel? Non. Je pars. Alors dispensez-moi des petits couplets sur vos souvenirs et votre jeunesse. Comprenez-vous? Je pars. Alors, je ne joue plus. Que voulez-vous dire? Ou plutôt, je vais jouer tout seul maintenant. C'est maintenant que je vais vivre la vie de François Dominique. Celle que je vous ai racontée les 3 ans passés dans la brousse pour vous. Ils vont commencer demain. Oh! Oh, ça ne sera pas la première fois qu'on verra ça. On raconte l'histoire d'abord et puis elle arrive. Oh, elle arrive. Seulement, c'est une histoire que vous connaissez déjà et qui ne vous amusera plus. Ne soyez pas méchant. Oh, je ne veux pas être méchant. Je ne veux même pas être mélancolique. C'est déjà assez épatant d'avoir eu ça. D'avoir eu quoi? Ces 4 ans-là. Vous n'allez pas recommencer. Jacques n'est pas là, Crémone non plus. Qui espérait vous tromper? Je ne veux tromper personne. Si ces 4 ans de bonheur ne sont pas à moi, à qui sont-ils? À qui? Pas à lui, en tout cas. Pas à lui qui les a baillés. Ce passé n'est peut-être pas tout à fait à moi encore, mais je suis sûr qu'il n'est pas à lui. Oh. Ses souvenirs ne sont plus les siens, il ne les reconnaît plus. Croyez-moi, Laurette, ils sont bien les nôtres. Ah oui? Demandez-lui donc ce que nous avons fait le 1er janvier de la 2e année. Le 1er janvier? Il n'en sait rien. Vous n'en savez rien vous-même. Je suis seul à le savoir. Vous êtes complètement fou. Nous avons joué à l'amour, Laurette. Un joli jeu où il n'y a que des perdants. Mais je n'ai rien perdu. Nous avons dirigé les événements, Laurette, mais pas l'amour. Et pourquoi pas l'amour? Il y a entre nous trop de choses, Laurette. Trop de faux malentendus, trop de vrais caprices, trop de fausses lettres, trop de vrais chagrins. Pour qui le chagrin? Trop de baisers donnés, pas reçus, Laurette. Mais vous ne voulez tout de même pas dire que vous êtes amoureux de moi? Eh bien, si. Tout de même. Réellement? Oui. Enfin, je veux dire, profondément? Mais oui. Allons donc. Comme vous auriez désiré que François le fût. C'est bien simple, j'en suis là. Oh. C'est de vous que je vais rêver là-bas, comme je l'ai dit. Oh. C'est vous que l'opium me promettra, si j'en use. Oh. D'ailleurs, êtes-vous sûr de ne pas m'aimer? Quoi? Êtes-vous sûr que je ne sois pas votre second premier amour? Non, vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Je suis mariée. Maintenant que vous allez partir, je redeviens Madame Hélère. Une des premières choses que vous m'ayez dites, c'est que dans cette affaire, pour moi, vous ne seriez jamais qu'un prénom. Quelle mémoire! Quoi que vous fassiez maintenant, pour moi, vous ne pouvez plus être que Laurette. Si vous voulez. Madame Hélère, non. Non, il n'y a plus de Madame Hélère. Vous avez décidé ça? Est-ce qu'il y a jamais eu une Madame Hélère? N'en suis pas sûr. Vous n'en êtes pas sûr? Il y avait mal consolé une amoureuse de François Crémone. Non, je vous défends. Vous allez me dire que vous aimez votre mari? Mais oui, je vais vous le dire. Mais vous ne pouvez même pas le croire. Oh, ça, alors... Non, vous ne l'aimez plus. Ça n'est pas sa faute, d'ailleurs, le pauvre vieux. Oh, je ne sais pas qui aurait pu résister. Résister à quoi? Vous rendez-vous compte de ce que vous lui faites faire depuis 3 semaines? Non, pas vous l'avez placé sans arrêt dans des situations de vaudeville. Vous n'avez pas cessé de lui faire deviner des choses fausses. Et quand par hasard il voyait juste, vous le traitez d'idiot jusqu'à ce qu'il ait changé d'avis. Pauvre Jacques. Votre jeu a duré si longtemps que le pauvre Jacques a même cessé d'être dangereux, ce qu'il sauvait du ridicule. Pour le salut de François, il fallait le berner. Tant vous avez des expressions. Il l'a été. Et il est demeuré un peu grotesque. Il est le pauvre Jacques. Maintenant, ça y est, c'est classé. Je vous interdis de... Si c'était encore un petit chétif, un rabougri, un sans défense, mais sans vouloir le diminuer, on peut dire que c'est un hurleur et un bien charpenté. Alors, il n'y a pas de pitié ni d'attendrissement possible. C'est mal ce que vous faites. Il ne peut pas se défendre. Il est trop fort. Non, vous le connaissez mal. Ce que vous dites est méchant et injuste. Si vous saviez comme il est tendre et bon, et comme il a l'air désarmé avec toute sa force. C'est un enfant par instant, un véritable enfant. Un enfant un peu querelleur, peut-être. Pourquoi essayez-vous de le diminuer? Son chagrin va le grandir. Quel chagrin? Celui que vous allez lui faire en ne l'aimant plus. Tiens. Ça sera très bon pour lui, je vous assure, il s'en croûtait. Merci. Pensez donc à un homme comme lui mettre 20 jours pour briser une toute petite grève. Oh, pas si petite. Croyez-moi, les hommes forts ont besoin parfois d'une grande douleur. Vraiment? Avec son adresse, sa ténacité, son caractère et un chagrin pareil, dans 2 ans, il est le maître de Paris. Je ne lui ferai pas de chagrin. Vraiment non? Vraiment non. Vous savez bien que si. Et c'est seulement parce que vous le savez bien que vous avez eu un peu de peine pour lui tout à l'heure. Je ne crois pas. Vous savez bien que vous ne serez plus ici ce soir. Et où serai-je donc? Avec moi, sur les routes. Des routes qui mèneront où? Ils seront là dans 3 minutes. Décidez d'abord de partir, nous choisirons ensuite notre destination. Vous êtes inouï. Tous les pays seront riches pour nous avec la force que me donnera votre amour. Il me semble que je reconnais une phrase de notre grande scène. Bien sûr. C'est vous qui nous avez menés là. Tout était réglé d'avance. Trop bien réglé. Il va venir nous surprendre. Il vient, il est là. C'est une question de secondes. Je l'espère bien. J'ai encore le temps de vous dire qu'aux colonies, nous ferons fortune. Nous ? Je dis bien nous. Je n'aurais pas de sens, puisque justement, je n'y suis pas parvenu. Pour qui aurais-je gagné de l'argent quand je ne vous connaissais pas ? Pour qui ? Je vous le demande. Les premiers 100 000 francs seront difficiles à faire. Ah oui, vraiment. Mais nous les ferons. Allons, c'est dit. Ce n'est pas avec moi que vous partez. Venez avec votre amour. François est mort. Vive François. Et le pauvre Jacques ? Je lui donne 15 jours pour vous oublier, pas plus. Vous n'êtes pas aimable. Il aura autre chose dans la vie, lui. Tandis que moi, j'aurai plus rien. Je n'aurai plus rien. Et je n'ai jamais rien eu. Domino. Vous avez peur de l'aventure ? Quoi, l'aventure ? D'abord, il n'y aura pas tellement d'aventures. Nous serons des bourgeois de Brazzaville ou de Tananarive. Des bourgeois ? Vous n'allez tout de même pas me demander de vous parler du charme des nuits dans le désert. Non. Ni de ce qu'on fait pour se protéger des moustiques. Je ne vous demande que de vous taire. Me taire, alors que nous n'avons peut-être encore qu'une minute, une seule minute pour nous décider. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont ? On s'entend plus. Ah, tant mieux. C'est sans importance. Je vous ai tout dit, mon amour, depuis 20 jours. Tous les jours. J'ai plus rien à dire. Il parlera pour moi. Si tu essaies encore une fois d'ouvrir cette porte, te casse la gueule. Vous entendez nos tziganes ? Je ne plaisante plus, Laurette. Écoute-moi. Tu es toute ma vie. Je ferai des prodiges pour toi. Si tu ne viens pas, je suis foutu. Foutu ! Décide-toi, tu as encore 20 secondes. Je vous en prie, vous dérangez pas. Tu l'entends ? Les 20 secondes sont terminées. Il s'agit de choisir. Et de choisir vite, Laurette. Mais oui, mais parfaitement. Et ce n'est pas la peine, Dominique, il sait tout. Vous savez tout. Ne t'occupe pas de ce qu'ils disent. Viens, qu'est-ce que tu peux espérer d'amusant de la vie qu'il t'offre ? Bien joué. Ah, il est malin. Ne vous fatiguez pas, je vous dis, mon vieux, il sait tout. Est-ce que tu te vois entre ces deux-là pour la vie entière ? La vie entière, Laurette, entre ce bon géant et cette crapule. Et allez donc. Vous me permettez de tutoyer, madame ? Mais laisse-toi, hein, laisse. Mais tout de même, laisse. Je te dis qu'il m'amuse. Ah, oh ! Tu t'inquiétais de lui, tu vois ? Je l'amuse, il s'amuse. Partons ! Non ! Ah, je te comprends, Laurette. Tu voudrais avoir un peu de temps, pauvre chérie, une excuse, hein ? C'est ça, une excuse pour partir ? Eh bien, regarde-les. Elle est là, ton excuse. Non, laissez-moi. Regarde-les, tu ne pourras pas ne pas partir ! Oui, alors maintenant, c'est suffisant. Avant la série, vous allez me faire le plaisir de déguerpir au plus vite. Tu vois, il veut que nous nous en allions. Oui, la comédie est finie, ça t'en manque. Nous n'avons plus besoin de vos services. Il croit que nous jouons encore, Laurette. Prouve-lui que c'est fini. Viens. Fais attention, Jacques, je t'assure qu'il ne se tutoyait pas. Il y a quelque chose de louche. De louche ? Notre clair amour, quelque chose de louche ? Oh ! Ah, je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. Adieu, Jacques. Te fatigue pas, pauvre idiot, je sais tout. Mirandol m'a tout raconté. Non, il ne t'a pas tout raconté. Adieu, Jacques. Mais ne perdons pas ton temps. Quoi que tu fasses, tu ne sauveras pas, François. Tant pis. Je sais que tu ne peux pas aimer ce malheureux. Et c'est maintenant qu'il me traite de malheureux. Je ne sais pas. Je vais partir avec lui. Il faut me pardonner, Jacques. Tu ne pourrais plus être heureux avec moi. Va toujours. Tu m'intéresses. Tu ne me crois pas, tant pis. Mais où vas-tu ? Je viens de te le dire. Je suis patient, mais n'en abuse pas. Va t'asseoir. Pourquoi s'asseoir ? Tu peux me retenir de force ? Ma foi, oui. Est-ce que je dois intervenir, Laurette ? Non. Mais en effet, je ne vous le conseille pas. Je partirai, Jacques. Tout ce que tu fais est inutile. Je ne crois pas que ce soit inutile. Et je ne crois pas que tu partiras. Je partirai, Jacques. Ça n'est pas à lui qu'il faut le dire. Dites-le une fois à moi. Je partirai, François. Merci. Il faudra bien savoir où, quand et comment. Vous voyez, je ne suis pas comme vous, ça ne m'intéresse pas. Elle partira, vous pouvez en être sûr. Et je serai là. Tout le reste n'a aucune importance. Fais attention, Jacques. Bonsoir, Laurette. Je serai là où il faudra. Je vous conseille de brusquer vos adieux. Vous m'excuserez, j'ai encore un mot à dire à Crémone. Mon cher, il est bien entendu que vous ne me devez rien. Au contraire. C'est vous qui avez pris ma place. C'est donc moi qui vous dois 1 million. Notre premier argent sera pour lui, Laurette. Monsieur Heller, j'ai bien l'honneur de vous saluer. À nous deux, maintenant. Oh, il s'agit bien de moi. Regarde, Laurette. Qu'est-ce qu'elle a, Laurette ? Mais elle a qu'elle va partir. Manges-tu ? Elle a déjà oublié cette histoire. Tu t'imagines qu'elle va les crever de faim en compagnie de ce vagabond ? Mais tu ne la connais pas. Ah, pas si bien que toi, évidemment, mon ami. Mais j'ai le temps de la connaître. Mais le temps, mais elle n'est déjà plus avec nous. Plus avec nous ? Mais si, n'est-ce pas, Laurette ? D'ailleurs... Je prie de croire que je saurai la garder. Il n'y a qu'un moyen, mais explique-lui qu'elle sera malheureuse avec ce type. Mais vous serez malheureuse, Laurette, avec ce type. La souris, tu voir. Mais la souris. Et c'est très bon signe. Et puis qu'est-ce que ça peut te faire, qu'elle sourit? Ah, c'est vrai. Tu l'aimes. Monsieur l'aime. À ce propos, nous n'avons pas fini notre conversation de tout à l'heure. Oh, tu vas recommencer. Oui, oui, oui, je vais recommencer. Je vais passer un peu mes nerfs sur toi. Je vais te piétiner, mon bonhomme. Je vais te réduire à rien. Je vais faire de toi un mendicant. Ou si ça t'amuse, tu as de la chance qu'il te reste encore ça. Oui, oui, oui, oui, ça me reste. Je suis très content que ça me reste. Et dans deux jours, elle sera partie, comprends-tu? Et toi, tu seras ruiné, à plat, vidé, comprends-tu? Mais tant pis, puis c'est peut-être juste. Car en somme, c'est un peu avec moi qu'elle va partir. Oui, laisse-moi tranquille. Avec son départ, il s'agit pas d'elle, il s'agit de toi. Mais il s'agit de moi, c'est entendu, mais elle va partir, elle part. Alors tu peux bien faire tout ce que tu voudras si tu savais ce que je m'en fous. Ainsi s'achève Domino, comédie en trois actes de Marcel Achard, dont nous vous rappelons la distribution. Le rôle de Domino était tenu par François Perrier, celui de Heller par Marcel André. Crémone était joué par José Arthur, Mirandol, Guy Pierrot. Laurette était Simone Renan, Christiane, Paul-Emmanuel et Fernande, la femme de chambre de Christiane, Micheline Gary. Le théâtre où l'on s'amuse, une production et réalisation de Philippe Soupeau et Jean Chouquet. Vous venez d'entendre Domino de Marcel Achard, enregistré par la Radiodiffusion française en 1955. Et maintenant, nous repartons vers le Brésil avec une émission sociologique intitulée Aquarelle du Brésil, qui retraçait la vie et la culture de ce pays à travers sa musique et ses chansons. Cette émission, qui est de 1958, contient un document, l'enregistrement d'une pratique fétichiste macumba, dite Galinha Preta, qui consiste dans le sacrifice d'une poule noire. Cette émission de Michel Simon a été réalisée par Jean-Christian Renard. Brasil, meu Brasil brasileiro. Meu mulato risonei, vou cantar-te nos meus versos. Aquarelle du Brésil est un programme de la Radiodiffusion Télévision Française que vous pouvez entendre tous les mercredis à 18h sur cette chaîne. Cette émission est destinée à présenter à travers sa musique populaire et folklorique les divers aspects du paysage et de l'homme brésilien. Nelson Ferraz, à la voix chaleureuse de basse chantante que vous entendrez au cours de cette émission, est né à Sao Paulo en 1923. Il participa à de nombreuses émissions dans sa ville natale et fut engagé en 1950 par les ballets brésiliens, dirigés par Miesio Ascanasi. Il en devint le premier chanteur et accompagna la compagnie au cours de ses deux tournées en Europe et dans le Proche-Orient. Rappelons qu'en 1954, cette troupe brillante obtint le plus grand succès sur la scène du Théâtre de l'Étoile, où Nelson Ferraz chanta notamment Terra Seca d'Ari Barroso et Vou Vender Meu Barco de Valentim dos Santos et M. Lima. C'est votre premier séjour en France, Nelson? Non, monsieur Michel, c'est le deuxième. Le premier, j'étais en 1954 ici avec Brasiliana. Oui. Après, j'ai fait un tour pour toute l'Europe. J'ai retourné au Brésil. Oui. Pour une année, et après je reviens encore en 56, jusqu'à ce moment-là que je suis à Paris. Fais encore une autre tournée pour l'Allemagne, les pays slaves et tous. Et maintenant je suis à Paris pour une vacance de 3 mois, parce que j'aime bien la France. Bon, c'est gentil. Quels sont les compositeurs brésiliens que vous aimez interpréter? Oh, c'est difficile de dire parce que j'ai beaucoup que j'aime. Mais les préférences, monsieur Raquel Tavares, Juracy Camargo, Ari Barroso, qui était spécialement un grand ami de moi, et plusieurs de l'autre. Vous avez gravé un disque pendant votre séjour en France? Ah oui, j'ai enregistré un disque chez Philips, qui marche bien. Un disque 45 tours? Oui, 45 tours. Eh bien, nous allons entendre quelques chansons tirées de ce disque. Voilà. Écoutez d'abord Peguei un Mitano Norte, de Dorival Caymmi. Ita, c'est un paquebot qui amène un artiste, un homme du Nord, de Belém do Pará jusqu'à Rio. À Rio, les migrants éprouvent des saudades, des nostalgies de sa ville de Belém. Peguei Ita no Norte pra vir pro Rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe, adeus, Belém do Pará. Ai, ai, ai, ai, adeus, Belém do Pará. Ai, ai, ai, ai, adeus, Belém do Pará. Vendi uns troços que eu tinha, o resto eu dei pra guardar. Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá. Ai, ai, ai, ai, adeus, Belém do Pará. Ai, ai, ai, ai, adeus, Belém do Pará. Mamãe me deu uns conselhos na hora de eu embarcar. Meu filho, ande direito, que é pra Deus lhe ajudar. Ai, ai, ai, ai, adeus, Belém do Pará. Ai, ai, ai, ai, adeus, Belém do Pará. C'est la même nostalgie du nord-est, cette fois de Bahia, de São Salvador, qui s'empare de l'émigrant dans ce balanceia de Jorasi Camargo et Monello, Vela Bahia. Opa, minha gente, agora! Oi, oi, é! Desci no Rio de Janeiro, pensando não mais voltar. Sentia meu corpo inteiro, meu coração palpitar. Deixei a velha Bahia e lá ficou um grande amor. Jurei que não voltaria a velha São Salvador. Ai, ai, ai, ai, ai de saudades que eu sinto de lá. Ai, ai, ai, ai, não vejo a hora em que possa voltar. Ai, ai, ai, ai, ai que saudades que eu sinto de lá. Ai, ai, ai, ai, não vejo a hora em que possa voltar. Desci no Rio de Janeiro, pensando não mais voltar. Sentia meu corpo inteiro, meu coração palpitar. Deixei a velha Bahia e lá ficou um grande amor. Jurei que não voltaria a velha São Salvador. Ai, ai, ai, ai, ai que saudade. Après ces deux enregistrements, Nelson Ferraz, accompagné à la batterie par le compositeur Jadir Teixeira de Castro, va interpréter en direct de notre studio trois chansons. D'abord Galinha Preta, de Gilberto Martins, qui évoque les pratiques fétichistes des macumba afro-brésiliennes, pour lesquelles une Galinha Preta, une poule noire, est souvent sacrifiée. Galinha preta com azeite de dendê, vou fazer um canjerê, vou fazer um canjerê. Sete vinténs com o retrato do imperador. Sete vinténs com o retrato do imperador. Sete velas de cera, oi. Sete velas de cera, oi. Sete metros de fita branca, azul, encarnada, amarela, oi. O retrato dele, oi. O retrato dela, oi, o retrato dele, oi. Galinha preta com azeite de dendê, vou fazer um canjerê. Vou fazer um cangere. Voici une pièce impressionnante que vous avez déjà entendue au cours d'un programme précédent, consacré à Inesita Barroso, Funeral d'un Rey Nago, d'Ekel Tavares. C'est, si vous voulez, la marche funèbre du crépuscule des dieux, mais à l'échelle brésilienne. Un roi nègre de la nation Nago est porté en terre par ses sujets. Além do mar do sono, de vencer o céu, pois quem o ver recuida, sentar um trono e ser um deus assim. É o rei Nago, lá vai na luz serena em busca de outro reino, entre as estrelas ao longe onde o Olorun chamou. É o rei, venceu a dor. Entre agogôs, o andar xotes, pachorôs, pabalaôs. Rezando o rei vai vencedor. Lá vai, nos deixou. Vai de nós, na Enfin, pour terminer ce récital sur une note moins funèbre, écoutez Vamos Sarava Pai Joachim. Je vous rappelle que Nelson Ferraz est accompagné à la batterie par Jadir Teixeira de Castro. Já encorei meu pandeiro, já afinei a viola. Agora vou pro terreiro, chegou o Pai Joaquim da Angola. Din, din, din, din, din, din, vamos sarava, Pai Joaquim. Din, din, din, din, din, din, vamos sarava, Pai Joaquim. Din, din, din, din, din, din, vamos sarava, Pai Joaquim. Din, din, din, din, din, din, vamos sarava, Pai Joaquim. Toma cuidado, menina, pega de leve, iaia. Você que é de Cambinda, mas eu também sou de lá. Din, din, din, din, din, din. Vamos sarava, Pai Joaquim. Oi, din, din, din, din, din, din. Vamos sarava, Pai Joaquim. Din, din, din, din, din, din. Vamos sarava, Pai Joaquim. Oi, din, din, din, din, din, din. Vamos sarava, Pai Joaquim. Já encorei meu pandeiro, já afinei a viola. Agora vou pro terreiro, chegou o Pai Joaquim da Angola. Din, din, din, din, din, din, vamos sarava, Pai Joaquim. Din, din, din, din, din, din, vamos sarava, Pai Joaquim. Din, din, din, din, din, din, vamos sarava, Pai Joaquim. Din, din, din, din, din. Au cours de ce récital, Nelson Ferraz, accompagné à la batterie par Jadir Teixeira de Castro et José Carlos Vinhas, a interprété successivement Peguei o Mitano Nord, Velha Bahia, Galinha Preta, Funeral do Rei Nago, Vamos Sarava Pai Joaquim. Cette émission composée par Michel Simon, présentée par Jean-Pierre Delage, a été mise en onde par Pierre-Christian Renard. L'émission Aquarelle du Brésil est diffusée tous les mercredis à 18h sur cette chaîne. Elle est destinée à présenter à travers sa musique populaire et folklorique les divers aspects de l'homme et du paysage brésilien. Brasil, Brasil, oh, e essas fontes murmurantes, oh, e onde eu mato a minha sede, e onde a lua vem brilhar.